Bah salut tout le monde! Salut, tout seul. C'était vachement vénère comme intro. Oh putain! Je sais pas qui c'est qui... Attends, parce que j'ai eu un... Il y a un nouveau follower, mais j'ai oublié de changer. Red Army Fighter, merci à toi pour le Exactement. follow. Merci Désolé, beaucoup. j'ai pas eu le temps de changer la musique des follows. C'est comme je jouais à Witcher en même temps. Et du coup, j'ai la Toss a Coin to the Witcher qui a... Pendant qu'on joue, tu vois. Attends, c'est toi, je te la rechante, moi. Non, mais ça va aller. Oh. Du coup, ben, on se remet dans le bain. Voilà, ça y est, la première partie de Terreur sur l'Orient Express de l'année 2020. Désolé un petit peu pour le retard, parce que j'ai plein de petites choses à refaire. Pour ceux qui ont déjà regardé auparavant, j'ai un peu changé le layout du truc, du jeu. Ouais, D'ailleurs, j'ai même oublié de mettre sur mon fond. une fenêtre pour les résultats des jets. J'aurai un. Hein? Une fenêtre pour les résultats des jets. Oh, c'est pas grave. Aujourd'hui, on C'est fera pas grave. 100 parce que sinon, alors on n'y arrivera pas. On les En... dira à voix Direct haute. Photoshop par le MJ. Voilà. En fait, C'est sûr, ce c'est sera la sûr. surprise pour les gens qui regardent. Voilà, ils auront la Le surprise de surprise. savoir Le spectacle. si les jets ont Puis. été réussis ou Honnêtement, pas. vu la dernière Voilà. session que j'ai faite, je sens qu'aujourd'hui le logiciel va un peu me calmer. Donc c'est pas très grave s'il voit pas les échecs en répétition. En tout cas, voilà. Donc, on était resté sur. Salut, Zwabalaf. Comment vas-tu? Hello there. Allez, allez, session en anglais, vas-y. Je t'écoute. Okay, guys. Tonight we're gonna Freestyle. play Cthulhu, Terror on Alright. the Orient Express. It's gonna be a Alright. really good session, so we're gonna have fun and T'as terror, perdu la moitié of des course. viewers. Non, peut-être que d'un coup, plein Ça de y est, je gens vont venir t'ignore, de je te partout. reporte, je te bloque. Non, mais c'est corporate, quoi. Il On fait le faut être stream. corporate, c'est bien. Du coup, Faut donc le sourire en tout moment. on s'était arrêté donc la dernière fois à la fin d'un scénario secondaire qui bah, vous incarniez d'autres personnages. Aujourd'hui, vous avez récupéré vos personnages principaux, vos personnages de cœur. Et donc ça s'était fini sur la destruction du Fez Rouge Sang et votre victoire non sans mal puisque malheureusement nous avons perdu dans la bataille un membre important de l'équipe qui n'était autre que le La capitaine main tout faire, la main hein? tout faire, tout fallir. Voilà. J'ai perdu la main tout faire. Mais bon, il s'est sacrifié pour le groupe, il s'est sacrifié pour l'avenir de l'humanité. Et du Flamme. coup, un mausolée a été fait à son attention. Donc voilà, il sera reconnu pour l'éternité à La balle m'a Constantinople. sacrifié en pleine tête, hein. J'ai été désigné volontaire. Et maintenant, vous voilà du coup dans le ferry. Pour l'instant, j'ai pas mis de musique, c'est normal parce que vous êtes encore dans le ferry et j'avais pas forcément envie de mettre la musique qui. Voilà. Mettre le mal de mer surtout. Et vous avez tourné la dernière page de l'histoire de ce petit groupe. Seulement, voilà, il reste encore quelques lignes que vous allez lire maintenant, donc je vais vous lire évidemment, qui sont de mon cru puisque ça n'existe pas du tout dans la campagne. Mais c'était histoire de remettre un peu dans le bain voilà. Donc c'est un mot qui est directement à votre attention, vous, les gens qui venez de lire le journal du professeur Smith. Et il vous dit, cher lecteur, comme vous avez pu le voir, cette épopée conduit à accomplir mes amis m'a terrifié jusqu'à l'os. Elle m'a ouvert les yeux sur les dangers qui planent sur nous et notre monde. Une chose me revient en tête et me glace les sangs. C'est le témoignage une fois de retour à Londres du professeur Worth, qui m'a avoué avoir vu lors de son combat mental avec Mein Kampf qu'un portail s'était ouvert derrière lui où il a vu une monstruosité titanesque qui s'y tairait en silence. C'est elle, et pas Worth, qui a détruit le corps de Minecraft. Il m'a avoué qu'il n'endormait plus la nuit et qu'il a décidé de se retirer de son poste de directeur du British Museum pour trouver les réponses à tout cela. Chers lecteurs, prenez garde au mal qui rôde autour de nous. Le pire est à venir si vous lisez ces mots. Courage. Voilà. C'est dit. Donc. Est-ce que je suis sur le ferry, moi, avec vous autres ? Ah ben oui, vous êtes tous ensemble, là. Et là, on part en direction Calais. Là, vous allez arriver sur Calais. D'accord. Donc, on va faire un peu l'abrégé pour aller un peu plus vite. Donc, effectivement, vous arrivez sur Calais. Vous débarrassez vos... Enfin, on vous prend vos bagages. On vous les amène directement dans un wagon de l'Orient Express. Puisque... comme vous vous rappelez, vous en rappelez avec vos personnages que vous avez fait précédemment, les wagons de l'Orient Express sont directement à Calais et seront rattachés par la suite à l'Orient Express lui-même. Sur ce, vous embarquez dans l'Orient Express, enfin les wagons de l'Orient Express, et on vous amène directement à la gare de Lyon. À la gare de Lyon, vous voilà donc. Et là, je vais devoir checker vite fait le son. Parce qu'à mon avis, ça va faire du bruit. Voilà, je baisse un petit peu le son parce que je pense que pour le live, ça va pas être terrible. Vous entendez tous la musique de Watch Together ? Bien sûr, vous êtes tous venus sur Watch Together. Regarde, tout le monde est connecté dessus. Guitare électrique, je pense que ça pourrait faire bien. Magnifique. Franchement, Kim Leiders, ça a changé. Ok, donc vous voilà, mes chers amis, à Paris. Une ville magnifique. Où il fleure bon, les amourettes et la romance française. Il y a des odeurs... qui viennent à vos narines dans tous les sens. Le bon pain chaud, le café. À côté de ça, il est vrai que quelques charrettes puissent passer avec les chevaux qui peuvent par moment laisser un petit peu de bousin par terre. Donc, mais bon, vous faites fi de ça, ce n'est pas grave. Vous êtes à Paris. La plus belle ville du monde, après Londres, bien sûr, pour vous, hein. Mais quand même, vous voyez que malgré tout, vous arrivez dans une atmosphère assez morose, puisque en ce moment même, il y a des tensions qui existent avec l'Allemagne, puisque la France et la Belgique occupe en ce moment la Ruhr pour obliger les Allemands à rembourser, si je puis dire, ou donner des indemnités dues à la guerre et à la destruction qu'ils ont subie. Et du coup, il y a beaucoup de tensions dans les rues, des gens qui sont pour, des gens qui sont contre, ça c'est assez véhément. Donc c'est un peu l'ambiance du moment. Que dire ? Hop, attendez, je me mets comme ça. Vous vous souvenez que sur Paris, vous aviez des choses à faire. Quelles étaient ces choses, si je puis dire ? Au moins, la chose que vous deviez faire, que Bilos vous avait dit. Deux choses à faire. Bon, je peux aider, hein, parce qu'il n'y a pas de souci, je suis le greffier. Allez, vas-y, le greffier. Alors, la première chose, c'était de récupérer un morceau de l'artefact, si vous vous souvenez, la statuette de Sedefkar. Apparemment, d'après les informations que nous avons glanées, elle a été séparée à Paris, et ensuite dispersées un peu partout en Europe. Ouais. Et il paraît qu'il y en ait un d'entre elles qui serait encore en France, et serait la le propriétaire serait un noble d'un un certain comte Finlay, je sais pas comment, enfin... un comte, et il posséderait justement un morceau de celle-ci. Il y avait une deuxième chose qu'il fallait faire. Tac, tac, tac. Le comte... Le fond quoi? Comte Finalik. Finalik. Finalik. Finalik. Ouais. Je t'ai pas repris parce que j'étais en train de regarder en même temps mon retour de live, donc j'ai pas écouté, mais Finlay, ça me disait rien du tout. Mais Finalik, oui. Finalik. Ouais. Ensuite, je crois qu'il fallait sans nul doute trouver des documents à la bibliothèque de Paris, mais c'est à peu près tout. La bibliothèque nationale. Nationale. C'est ça. Attends, bah, déjà, sans mes lunettes, c'est vrai que j'arrive pas à me relire. Hein. C'est ça, c'est mieux. En effet, voilà, Bidos vous a évoqué du coup le comte Finalik, qui était en gros le dernier, on va dire, possesseur de ce qu'ils ont dit de cette ce fameux simulacre. Fragment d'artefact. Hein? Tu veux dire fragment d'artefact? En fait, il a été le simulacre de CDFK a été démantelé en France. Au 18e siècle. Voilà. Aux quatre coins de l'Europe. On sait qu'il y a eu un morceau qui a transité ici aussi pour aller dans les poches d'un Milanais. Et c'est tout. Et donc, on sait qu'on a fait le rapprochement entre le comte Finalik et le simulacre de CDFK. Ce qui fait que Bidos vous a demandé expressément d'aller mener des recherches dans la bibliothèque nationale et peut-être dans d'autres bibliothèques qui seraient présentes sur Paris. Mais dans le là tout de suite, vous devez en gros vous diriger dès que vous pouvez dans cette bibliothèque nationale. Je suppose que vous avez un peu lu soit le guide, soit ce que je vous avais fait dans le salon du Discord pour Paris. Donc vous êtes au courant que pour vous rendre à la bibliothèque nationale. Il vous faut une recommandation de votre ambassade. Vous ne pouvez pas vous y rendre sans ça. À moins que vous ayez des contacts ou alors que le British Museum vous référence ou une autre corporation quelconque. Voilà. C'est à vous de voir. Oui, ok. Voilà. On n'a rien eu avec le British Museum, malheureusement. Non, après, vous pouvez tout à fait vous rendre à l'ambassade d'Angleterre et vous procurer cela en sachant que ce document vous sera utile dans tous les pays où vous vous rendrez, puisque en gros, c'est un moyen pour les pays étrangers de savoir que vous n'êtes pas un truand, que vous n'avez pas un casier judiciaire long comme le bras. Donc, vous êtes sûr que tout le monde ici aura ce qu'il faut, hein? Nous risquons pas. J'ai pas de casier. On a refus. J'espère pour vous tous. Pas de casier. Hein. Jamais. Arrêtez, moi. mais voilà. Enfin, il en est que vous avez besoin de ce papier pour vous rendre dans la bibliothèque nationale. De toute façon, je pense que c'est ce qu'on va devoir faire, parce que. À savoir que ça vous prendra peut-être une à deux journées pour pouvoir le récupérer. Ouais. Administration oblige, bien sûr, on va pas vous le donner comme ça. Si j'ai bien compris, deux journées pour récupérer, une journée à la bibliothèque, parce que de ce que j'ai compris en lisant, c'est une journée en gros pour accéder aux documents, quoi. Voilà. En sachant que je vous dis tout de suite. Vous allez passer un peu de temps dans la bibliothèque, mais pas en heure, en jour. Ok. Sachez-le, parce qu'il y a énormément d'informations à glaner avant d'avoir ce que vous avez besoin. Surtout que je pense Oui, on va faire peut-être appel à un spécialiste pour nous aider à rechercher, parce que question recherche dans une bibliothèque, je ne sais pas vous, mais moi, je suis vraiment pas très bon. Hein. Mais tout à fait. De toute façon, vous pouvez tout à fait, une fois arrivé à la Bibliothèque nationale, demander à ce qu'on vous dirige vers une personne qui sera... Il y a les documentalistes, hein, c'est vrai. Oui, voilà. Et personnellement, j'ai l'habitude, pour mes recherches artistiques, de toute façon, d'y traîner, donc je ne suis pas complètement perdu dans une bibliothèque. C'est ça. Okay. D'ailleurs, tu pourrais tout à fait, de ton côté, Catherine, vu que tu vis à Paris assez régulièrement, peut-être faire jouer tes contacts pour peut-être faire accélérer les choses, je ne sais pas, tu verras de ouais. ton côté. Voilà. Est-ce qu'on va encore se séparer? Non, pas forcément, non. Mais... Non, mais, bah non, parce que... Non, mais il y a surtout aller à la Bibliothèque nationale pour aller trouver certains documents. Mais il y a aussi trouver le compte, ce fameux compte. Et après, c'est pas impossible que vous trouviez des informations sur lui à la Bibliothèque nationale. Mais du coup, il faut aller chercher pour ça. Si on a besoin de, allez, on va dire une journée, parce que mes contacts vont être efficaces. Si on a besoin d'une journée pour avoir l'accord, de toute façon, enfin les papiers, tout ça, ou, j'ai déjà perdu le nom, désolé, à l'endroit où on est censé aller, l'ambassade. Oui, c'est passé, oui. Pendant cette journée, on peut déjà commencer des recherches extérieures, après voir ce qu'on a à la bibliothèque et après réunir le tout. Là, je pense qu'on n'a pas besoin de se séparer, parce que de toute façon, on a un bon créneau après, pour nous. Rien ne vous empêche de flâner une journée dans Paris, enfin... Oh, mais moi, ah, j'y oui, vais pour le travail, j'en ai pas besoin. Voir la tour Eiffel, là, voilà, ce nouveau monument-là. Le monument le plus grand du monde, après tout. Le plus grande tour du monde. Voilà, en même temps, vous êtes à Paris, bon, toi, Catherine... Paris pour toi, c'est du. Voilà. Tu n'as plus la magie comme le premier jour. Mais d'autres n'ont pas forcément eu l'occasion de se retrouver à Paris. Donc, moi, ce que je propose, c'est qu'on aille chacun dans nos ambassades respectives. On prenne un document, justement, qui nous serait utile pour la suite. Et qu'on se retrouve à l'hôtel. Je pense qu'on a les moyens de se payer l'hôtel Bristol, hein, clairement. Ah oui, alors, l'hôtel Bristol. Question pour Emilio. Je me rappelle plus trop, mais tu es italien ou anglais d'origine italienne? Non, italien surtout. Donc il faut que tu ailles à l'ambassade d'Italie. Ouais. Moi, mon contact ne peut pas t'aider par contre, désolé. Plus de merde. Mais non, alors, mais j'ai mon patron. Pour simplifier les choses, parce que là ça va être compliqué d'avoir un groupe éclaté. On va faire ça en groupe, on fera pas de dialogue, je vais juste dire que vous passez du temps à chacun de votre côté pour aller dans vos ambassades respectives. À la limite, on peut peut-être jouer un petit peu le côté Catherine, puisqu'elle voit des contacts pour peut-être accélérer un peu le processus. Mais sinon, pour vous, voilà, vous retrouvez devant l'ambassade, vous faites part que vous avez besoin d'une recommandation pour pouvoir aller dans différentes structures, notamment la Bibliothèque nationale. Et on vous dit que revenez d'ici 2 jours. Et on vous donnera tout ça. Ouais. Donc ça, c'est valable pour notre ami Peter, pour Nelson et toi, Emilio. Par rapport à Catherine... Après, honnêtement, s'il faut 2 jours pour les autres, autant que j'embête pas mes contacts pour ça et que je l'ai en même temps que tout le monde. Parce D'accord. que si je l'ai un jour en avance... Enfin, et que je suis la seule à l'avoir, ça va pas forcément être utile. Bah écoutez, c'est pas 2 jours dans la file d'attente pour passer sur les documents, passer avoir son tour. Pas 2 jours d'attente à partir du moment où tu te présentes avec l'autorisation gouvernementale. Comment ça c'est ça que j'ai lu. Non, c'est ça que j'ai lu. À partir du moment où tu te présentes, t'as 2 jours d'attente. Bah tu te présentes. Pour accéder aux documents. Tu te présentes et on t'a dit dans 2 jours tu pourras récupérer ton document. Bah, écoute, c'est pas grave, j'ai les pleins pouvoirs, je fais ce que je veux. Non, j'ai rien dit, ta gueule, c'est magique, j'ai compris. 49-3 C'est moi, 49, j'ai tout passé, ouais. j'ai décrété que vous l'avez dans 2 jours. Alors vous l'aurez dans 2 jours. Okay, parce que j'ai des bons contacts dans les ambassades, ne vous inquiétez pas. Je sais ce que je fais. Je passe le temps au moulin rouge, moi, hein. Du coup. Pour voir les petites culottes des Françaises. Donc, vous êtes allés, du coup, Catherine et Nelson ensemble à l'ambassade d'Angleterre. Tous les deux. Hein. Catherine a usé un petit peu de ses contacts pour un peu accélérer la file d'attente, que vous n'avez pas eu besoin de faire une heure d'attente pour arriver jusqu'au guichet. Vous êtes passé par derrière. Hop, hop, hop. Tiens, voilà, merci, salut. Reviens dans deux jours, ça ira bien. Emilio, il a des petits contacts sur Paris. Il a fait marcher la familia, donc il est passé plus vite aussi. Et Peter, il a eu la chance d'avoir une fan de ses films qui traînait dans le coin. Et chance pour lui, eh bien, c'était une des guichetières qui s'occupait de ça, et elle l'a fait passer plus vite. Moyennant une petite autographe. Voilà. Et un petit bisou bien placé. Voilà. Tout est dit. Si ça peut répondre à tes questions, Nelson. ça explique pourquoi. Ça explique pourquoi tout va plus vite. C'est magnifique. Donc voilà, vous avez deux jours devant vous. Deux jours. Alors, soit vous décidez qu'on zappe les deux jours direct et qu'on passe directement à la chose, soit vous dites tiens, on a envie de faire ça, j'ai bien envie d'aller là. Ça dépend, t'as du temps devant toi. On peut essayer, de chercher le compte aussi, hein. Oui, c'est ce que je proposais. Alors, Fenalik. Fenalik. Hop, Fenalik. Voilà. Moi, je propose un truc un peu original, c'est peut-être d'aller voir au Louvre et parler au conservateur, s'il a déjà entendu parler de ce Fenalik, et aussi un peu le morceau qui était en circulation justement un peu temps après la Seconde Guerre. J'imagine qu'on n'est pas très loin, c'était il y a à peine quelques années, donc peut-être il a eu des informations là-dessus, sur ce fameux Milanais qui a acheté un morceau de la statue. Bon, après, peu de chance, mais on essaiera de voir. Je propose le Louvre parce que c'est le plus grand musée. Moi j'avais proposé Grévin. C'était pas encore ouvert. Grévin, je sais pas si en 1923 il était. Pas du tout. Hein. Le Louvre est ouvert, si on le sait. Le Louvre, oui, mais Musée Grévin n'est pas ouvert. Non. Ah si, 1882, si, tout à fait. Ah bah écoute, vous auriez pu. Devant vous, allez, on peut faire les deux si tu veux. Hein. En deux jours, on a le temps. Il y a deux jours, donc après... Salut, Magister. Vous pouvez... Salut, Magister. Comment vas-tu? Après, remarque, c'est un musée de cire. Ils vont beaucoup nous parler. Non, mais après, voilà, on va partir sur le fait que vous allez au Louvre. Le Louvre, majestueux. Oh, évidemment, il n'y a pas encore cette pyramide qui a fait parler beaucoup de monde. Hein, dans le bon comme dans le mauvais. Aujourd'hui, on n'en regarde que du positif. Mais voilà, le Louvre, un des plus grands musées du monde, avec une œuvre d'art immensément connue, une attraction mondiale. Pardon ? Non, rien. Ah, tu vois faire ça, donc je me dis qu'est-ce qui se passe ? Et donc, la Mona Lisa, la Gioconda. Donc, vous voilà rentrés au musée. Pour certains... Il y en a qui l'ont déjà vu, notamment Catherine, je pense. Nelson, es-tu déjà allé au Louvre ? Pas probable. Et toi, Peter ? Jamais ? Non. Je suis jamais allé sur le vieux monde. Donc. Alors, c'est la première fois pour vous trois, mes chers amis. Vous voyez une foule. Ah, moi, on me demande pas. Mais toi, je le sais, toi, Emilio, tu n'as pas été au Louvre encore. À Paris, si, j'y suis allé. Oui, mais au Louvre, non. À voir si l'exposition sur la Rome antique, si. Ah, non. Attention. Mais, quoi qu'il en soit. Da Vinci, si, je suis allé voir Mona Lisa quand même. Ok, d'accord. Ouais, ok. Tu es allé déjà voir le Louvre. Alors, pour toi, c'est quelque chose que tu connais déjà. En tout cas, il y a une foule immense. Vous voyez, du coup, c'est un musée qui tient des sculptures très anciennes et modernes. Vous avez des gravures, des peintures, des antiquités du... Je vais faire ça comme ça. Des antiquités, des objets d'art du Moyen-Âge, de la Renaissance et de l'ère moderne. Des dessins, des expositions temporaires. Vous y êtes allé tout de suite à arriver, donc on va dire qu'il est à peu près midi. On va dire qu'il est midi. Il faut bien donner une heure. D'ailleurs, j'avais pas mis le calendrier. Mais est-ce qu'on est lundi? Nous sommes le 12 janvier. D'ailleurs, j'avais pas mis, mais nous sommes le 12 janvier. Ah. Je prends note. Voilà. Allez, parce que si je le mets pas, ça va pas aller. C'est vrai qu'on peut pas deviner. Bah non. On a vendredi. C'est bon, ce n'est pas fermé. Ce n'est pas fermé. Vous savez du coup que c'est ouvert de 9h à 17h, comme ça je vous dis les heures d'ouverture, à l'exception du mardi et de certains jours fériés. L'entrée est gratuite pour tous. Parce que la culture en France, c'est important. Sauf pour les étrangers qui sont obligés de payer. Mais non, pour tous. Ah, super. Alors, vous arrivez du coup dans une galerie qui contient des peintures de la cour de Louis XVI. La foule est... vous avez vu que la foule s'est pendant un petit instant éloignée de là où vous êtes. Et vous allez me faire un jet, le premier de l'année. Écoutez. On a pas fait notre jet de chance. Ah oui, exact. On n'a même pas fait nos jets. On a pas fait notre chance. On le fera juste. On n'a même pas fait nos jets. On n'a même pas fait nos jets pour augmenter les capacités. Mais oh là là. Oh, un quatrième mur qui spoil un peu. Comment ça, un quatrième mur qui spoil un peu? Je ne sais pas. Du coup, j'étais perdu. Un jet d'écouter, oui. C'est pour écouter les gens qui expliquent les tableaux. Je sais pas très bien. Le bureau des oreilles. Ah, oh, petit. Voilà pourquoi ça spoil. Et mur n'ont pas d'oreilles. T'es sûr? Ça y est, que des échecs. Mal formé, ton mur. Toi aussi, tu l'as non, fait. Non, il y a un succès. Je crois qu'on a tous fait. Ouais, c'est bon, on a tous fait. Moi, j'ai réussi. Hein. Ah, ouf, tu me sauves. Tu me sauves. Tu souffles, yaourt. Mais moi, je demande à ce qu'on fasse les jets d'augmentation caractéristique. Alors, d'ailleurs, maintenant au moins, j'ai de chance. Que nous sommes dans un nouveau scénario, donc, pensez à cocher vos cases. Là, pour le coup, tu coches ta case, écoutez. Ouais, je le ferai juste après. Parce que j'ai déjà des cases cochées, je pense que... Alors, tu peux tout décocher, oui. Parce que ça, on va plus compter. Donc, écoutez, ce que je vais vous proposer, on va faire ça maintenant, comme ça, ce sera fait, on n'en parlera plus. Je vous propose, parce que dans la logique, je n'aurais pas dû vous récompenser de quoi que ce soit pour le scénario secondaire, tu puisque c'était des faire. Personnages pré-tirés. Je vais vous proposer quelque chose. Dans un premier temps, nous allons tirer votre jet de chance. Allez-y, tirez. Ah, votre ça j'aime bien le jet de chance. Je l'ai raté. Ben non. Mais non. Oui, je l'ai réussi. Enfin, j'ai réussi à le rater. C'est bien. Moi, j'ai fait un 5 là. Ah. Ben oui, ça voilà, c'est bonne réussite, ton bon ouais, moment. Ouais, j'ai la chance. Non, c'est bon, moi, je suis content. Hein. J'ai la chance. Bon, alors, ceux qui ont raté, lancez votre dé de 10. Ah, D10, j'avais lancé un D6. Hein, pourquoi il me marque échec alors que j'ai fait 69 sur 69? Il est où le D10? Ah non, j'ai fait 69. 72. Ouais, t'as fait un échec, c'est bon, tu peux le lancer aussi. C'est, 3. Bon, c'est pas ouf, mais c'est déjà bien. Voilà, donc vous vous rajoutez... 3, c'est fait. Là-dessus. Alors, maintenant ce que je vous propose, pour vous récompenser quand même du scénario secondaire... Quel gentil MJ. Vous allez choisir 2... compétences, parmi toutes les compétences que vous avez, celles que vous voulez, et vous ferez un test dessus pour voir si vous l'augmentez. Je pense qu'on va prendre celle à 1%. c'est une bonne idée. Ouais, hein. Mais après, qu'est-ce qu'on fait avec la compétence qu'on choisit, sauf bien sûr la compétence du mythe, parce que celle-là, tu peux pas y toucher. Bon. Donc, deux compétences choisies dans tout. Tu choisis les deux compétences de ton choix. Oh, pour faire un test dessus. Je ne m'y attendais pas. Voilà, on va dire que Voilà, c'est le moyen que je trouve le plus sympa pour vous récompenser en sachant que... Voilà. Je vous laisse le choix. Je ne sais pas quoi faire. Donc, Nelson, tu as loupé ton jet de tank, donc tu vas pouvoir tirer un jet de tank. Oh, le chanceux. Allez, je tente un tank aussi. Yes. Alors par contre, yes, ça va trop vite pour moi, donc vous me direz, je vous fais confiance. Vous allez me dire... Et je rajoute un D10 alors. MJ. Tu rajoutes un D10 en toc. D'accord. Donc tu rajoutes ça dans ta allez. Colonne. Oui. Il y a genre, ouais. Pas bonus, mais tu sais, il y a plusieurs colonnes dans quand tu... Aide-moi, Xen. Pourquoi j'arrive pas à le changer? De quoi tu parles? Les points dépensés? Pour rajouter les points dans la fiche. En fait, tout en haut à droite, il y a un petit sens interdit gris. Tu cliques dessus. Et là, ça va te dérouler et tu peux les modifier. Et tu rajoutes dans gain, c'est ça? Un des 10. Tu les rajoutes dans points dépensés. Dans la troisième colonne, je crois. Ouais, c'est la troisième colonne, parce que les deux premières, c'est autre chose. Donc tu la rajoutes, effectivement. S'il y a déjà un chiffre, tu l'additionnes, hein. tu rajoutes en plus. Chut. Oui, c'est ça. Putain, mon perso, là, il... Je sais pas où, quoi faire d'autre. Voilà. Bon, bah attends, j'ai réussi. Si, je vais m'améliorer en Beaux-Arts, parce qu'après tout, on est au Louvre, c'est contextuel. Oh, l'enculé. Non, mais t'as bipé. Ça y est. Bipé. Quelle vulgarité, mes amis! Ah bah non, mais attends, tu me fais pas un 1 maintenant, pas sur un jet comme ça. Tiens, tu vas voir, tout à l'heure, je vais demander un jet de Beaux-Arts, je vais faire 99 là. Bon, alors là, du coup, tenez-moi au courant parce que ça a été trop vite pour moi. Alors, j'ai vu qu'il y a eu des jets réussis. Non, le seul que j'ai vu, c'est Nelson, qui a pris 7 en toc, mais les autres. J'ai pris aussi 7 en toc. Oui. Ce qui me fait passer à 77. Et j'ai pris 4 en baratin. C'est tout. J'ai pris 4 en toc. Ah, moi, j'ai pas pris en toc. C'est plus que j'ai lancé. Donc... Moi, j'ai lancé un jet de discrétion que j'ai réussi. Et j'ai lancé un jet de baratin que j'ai échoué. Du coup, je suis maintenant à 56. Et esquive, il m'a pas compté. J'ai fait un 6, mais il m'a pas compté. Je cherche là, mon 6 là, sur le truc. Alors attends, il t'a pas compté. J'ai pas compris. En quoi t'as fait ? Baratin. J'avais raté mon jet et il m'a pas compté mon D10, j'ai fait un 6. Esquive. T'avais fait un échec. Attends, non, mais merde, pourquoi baratin? Oui, esquive, pardon. Bah, il faut que tu mettes dans esquive, tu vas dans... Non, mais c'est le soft, Force of Disground, il a pas compté mon D6, mais j'ai fait un 6. Un D10, pardon. J'ai fait un 6, il a pas compté dedans, ou alors j'ai balancé. Nelson, je vois un 4, et je vois... Bah ouais, bah voilà, il me l'a pas... Ouais, il n'a pas compté. Attends, faut que tu le rajoutes annuellement. Relance. Bah, c'est mieux, tiens. Voilà, bon. Esquive. C'est pour la nouvelle année, je suis sympa. Allez. Allez, je suis sympa. Donc, tu rajoutes ça, esquive, et après, on n'en parle plus. Maintenant, pensez bien, parce que je vais pas à chaque fois y penser. Quand vous réussissez votre jet. La première fois dans chaque compétence à bien cocher votre compétence dans... voilà. Comme ça, vous saurez qu'à la fin du scénario, vous ferez un test dans chacune des compétences où vous avez réussi un jet au moins une fois. Alors, on avait commencé ça pour le début à Londres, sur notre personnage principal, entre guillemets. Mais après... On garde les trucs cochés là-dessus. Non, tu effaces tout. Là, tu effaces tout parce que c'est par scénario. Là, on commence un nouveau scénario qui s'appelle Les Fleurs du Mal. ça, vous le savez. De Charles Baudelaire, bien sûr. Donc là, pardon nous commençons un nouveau scénario qui s'appelle Les Fleurs du Mal. Pardon. Ok. Donc, vous allez pouvoir décocher toutes vos compétences. Et maintenant, à chaque fois que vous réussirez une compétence, la cocher. Ici, Xen a réussi son écouter, donc il coche écouter. Alors, je te lis. Zwabalaf, Xen a un côté fibre tigre avec ses lunettes. Merci de ne pas en tenir compte. Ça me trottait. Voilà. Donc en lisant, tu as déjà fait l'erreur. Mais par contre, j'aime pas le plagiat dans le nom du scénario. Tu peux changer le nom, s'il te plaît ? Eh oh, ça suffit. Nous sommes à Paris, les fleurs du mal. Pardon, très bien. Tout à fait. Les lys de France, les fleurs. J'ai enlevé mes lunettes pour notre viewer pour pas le déranger. Donc maintenant, on est bon. Vous avez fait vos jets pour la chance et vos jets de récompense pour le scénario qui vient de se passer. Donc maintenant, ça commence. Allons-y. Donc du coup, Xen, enfin, Peter, la foule s'est légèrement éloignée de vous. Que vous avez une galerie qui contient pas mal de peintures de la cour Louis XVI. Du coup, ils sont un peu partis un peu partout pour regarder. Et toi, Peter, tu entends un rire railleur. Et vu que tu as bien cerné le truc, tu devines à peu près qu'il se situe dans un coin un peu sur la droite, là-bas. Qu'est-ce que tu fais ? Je regarde d'où provient ces rires railleurs. Donc tu te diriges vers le là où tu as entendu le rire. Tout à fait, tout à fait. Bizarrement, cette personne est indisposée à la française. On va voir qui c'est. Eh bien, quand tu t'approches du coup de la zone, tu vois que dans ce coin de la pièce, il y a un portrait d'un homme à l'air assez a l'air assez dédaigneux. Et on va changer un peu de musique. Et tu vois qu'il est accroché là. Et tu vois que ses lèvres forment un léger rictus. Mais que son visage est très est très sombre. Ah, d'accord, c'est ça dont tu parlais. Son visage est très sombre, très froid malgré ce petit rictus. Il y a un titre à cette œuvre. Le titre est Esquisse pour une peinture inconnue qui date du 18e siècle. Qui a été trouvé dans les biens de la reine Marie. Donc, comme c'est de l'époque Louis XVI, tu vois de quelle Marie on parle. Ah, ok. Oui, je pensais bien ça. Okay. Voilà. Mais ce qui te... Comment dire ? Ce qui te trouble le plus, c'est que ce tableau, quand tu le regardes, tu as l'impression que l'esquisse, le personnage, te regarde également. Et que, quoi que tu fasses, si tu tournes un peu à droite, à gauche, le regard du personnage te suit. Et c'est assez troublant, quelque part. Ça ne fait pas mal à l'aise, un truc comme ça ? Si, t'es vachement mal à l'aise, parce que tu dis... Tu vois, le premier truc qui me viendrait à l'esprit, c'est que j'ai pas pris mes médicaments ou un truc du genre. Il y a peut-être des problèmes, et je suis en train de me nettoyer les yeux, à me frotter. Il n'y a pas d'auteur, du coup, à cette esquisse. Non. Mais le personnage, le visage de cet homme te rend mal à l'aise. Notamment, déjà, parce qu'il te fixe, mais... La posture, ce qui dégage, ça, c'est pas, ça te... Ah, t'es pas bien, tu vois. Ça... Je vais faire un peu mal élevé, mais je vais regarder ce qu'il y a derrière le tableau. Tu sais, je vais un peu aller sur le côté. Je sais pas si j'ai le droit de toucher les œuvres, mais je le fais. Non, t'as pas le droit. On n'a pas le droit, je sais très bien, mais par précaution, je me dis, il y a quelqu'un derrière avec les yeux comme ça. Tu vas. Ouais, mais après, c'est un tout petit dessin. C'est pas un tableau gigantesque. C'est un esquisse. Donc, en gros, c'est un tableau qui fait. Oui, quelques centimètres. Ouais, 50 centimètres de haut pour 30 de large, tu vois. C'est vraiment un tout petit truc, quoi. Donc, tu vas pas voir. Il n'y a pas des yeux humains qui peuvent se rester derrière. Je le fais. Alors, tu vas faire un test de. Comment dire? Ah merde, comment ça s'appelle ça? Ouais. Un test de. Discrétion. Un test de. Ah merde, j'ai 90%. Merci. Discrétion, merci. Discrétion. De discrétion. Je vais utiliser des points de chance que j'ai durement gagnés. Donc, tu utilises tes 15 points de chance pour ça? Ouais. Okay. Ouais. Bah, j'ai pas envie de me faire prendre non plus, donc. Tu profites d'un moment où la foule commence un peu à se déplacer en masse vers une zone. Tu vois, tu regardes un petit peu les différentes personnes qui seraient là pour surveiller que les gens ne font pas n'importe quoi avec les hommes. Et à un moment où la foule se met vraiment devant eux, tu en profites pour légèrement soulever le bas de l'esquisse du tableau. Et tu vois qu'il n'y a rien. Il n'y a rien du tout, quoi. C'est le mur, quoi. Et derrière. Même pas gribouillage, même pas. Non. C'est juste le. Enfin, le l'autre côté du tableau, quoi. Bah, je repose le tableau délicatement et je vais aller voir Nelson. Ouais. Bah, je vais pas me confier ni à Emilio ni à Catherine, donc Nelson, toi qui n'as peut-être pas l'habitude de voir des œuvres d'art, mais enfin toi qui as l'habitude de voir des œuvres d'art, excusez-moi, tu reconnais cette œuvre là-bas? Je vais aller jeter un coup d'œil. Oui, qu'est-ce qu'il y a de spécial? Le regard, il est perturbant. Tu te retrouves du coup toi aussi devant cette œuvre et de la même façon que Peter, ça te rend mal à l'aise. Ça me rend mal à l'aise. Tu vois le personnage, sa stature, ce qu'il dégage et puis ce regard et ce rictus malsain un peu. Je me décale de quelques pas en arrière, je bouge à gauche à droite, je regarde un peu. Et tu vois qu'il te suit du regard. Je peux noter le nom de l'artiste, le titre et l'année. Il n'y a pas de nom. Esquisse pour une peinture inconnue trouvée dans les biens de Marie-Antoinette. Voilà, c'est la seule chose que tu trouves. Il y a un garde-fou à côté. Pourrais, Une personne que tu veux demander quelque chose? Ouais, tu sais, le garde-fou. Oui, bah vas-y, il y a une personne qui est là pour surveiller. Tu parles français? Il y a Catherine au pire, je pense, qui parle français, qui peut toujours vous aider. Sinon, on est en galère, quoi. Je parle français, j'ai des pieds à terre un peu partout en Europe, je sais pas. Je pense que ta maîtrise du français n'est pas assez bonne pour pouvoir engager une discussion. Mais bon, après, tu peux tout à fait demander à Catherine de te traduire, voilà. Ouais, non, je suis pas un grand linguiste. Je vais... Je vais chez Catherine, viens voir, s'il te plaît. On va faire venir tout le monde. Oui, autant faire venir tout le monde. Oui, on va faire venir tout le monde, du coup. Allez, venez voir l'œuvre qui fait perdre la santé mentale, allez. Ah, allez, j'ai été moderne. Sympa, je ne sais pas fait perdre la santé mentale. J'aurais pu. Franchement, t'aurais pu, hein, parce que normalement, toi, ça te perturbe. Ouais, je vais te dire quand même que j'ai lu dans un bouquin sur... l'Italie artistique des années Da Vinci, où il s'amusait à faire des trompe-l'œil comme ça. Mais la Joconde en elle-même fait ça. La Joconde fait ça. Si tu mets devant la Joconde, elle te suit. La Joconde, c'est une petite esquisse trouvée au fond de Marie. Mais tu peux demander au garde. Comment il s'appelle ton perso déjà? Catherine, tu peux demander au garde-fou là si elle était prévue là, dans l'expo là, le petit dessin. Ce que je vais faire, je vais aller voir le garde-fou comme il l'appelle et lui demander plus d'informations sur ce que fait cette œuvre ici. qu'il a exposé et tout ça. Écoutez, pour être honnête, je ne pourrais pas vraiment vous renseigner. Il est vrai que c'est un croquis, une esquisse que nous avons retrouvée il y a de ça plusieurs années dans les appartements de la reine Marie. Mais on n'a pas plus d'informations, étant donné que l'artiste qui a fait l'esquisse n'a pas mentionné son nom et encore moins donné de titre ou nommé la personne qui l'a dessiné. Malheureusement, voilà. Après, si on l'a mis ici dans la collection, c'est que il faisait partie des divers dessins et tableaux qui étaient présents dans les appartements de la reine Marie. Après, aucun artiste de métier n'a analysé le trait, la touche, pour voir s'il pouvait retrouver des correspondances avec un autre artiste. Honnêtement, non. Alors peut-être qu'un jour ils le feront, mais disons que là, il y a des priorités sur lesquelles ils travaillent. Et celle-ci n'est pas la priorité. Oh, je comprends bien. Ce n'est pas une œuvre majeure, en gros, de la collection royale. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Voilà. Non, je la trouve intrigante. C'est pour cela, vous savez, elle a un petit... Oui, est-ce oui. Moi aussi, plusieurs fois, je me suis attardé devant. C'est assez troublant, ce regard. Est-ce qu'on a le droit de prendre une photo ? Histoire vraie. On sort l'appareil. Une photo. Ouais, le gros trépied. Ouais, non, mais je comptais en louer un à quelqu'un. Non, c'est juste ça. Pas le droit de prendre des photos. Vous ne pouvez pas. Disons que le flash. Le flash pourrait endommager le grain. Au zinc, oui, j'imagine. Donc vous ne pouvez pas faire cela, je suis désolé. Déjà que les œuvres se désintègrent par elles-mêmes dans le temps, ça serait dommage d'accélérer le processus. Mais oui, nous n'avons pas encore trouvé de technique adéquate pour protéger de manière assez... sur le long terme encore nos œuvres, mais on y travaille. Et vous savez quand est-ce qu'elle a été trouvée? Quand est-ce qu'elle a été rajoutée à la collection? Ça doit faire maintenant peut-être 2 ans. C'était un vieux... Enfin, quoi qu'il en soit, ça remonte quand même à... C'est une vieille esquisse. Hein. Elle est plutôt bien conservée hein, pour la... pour sa vieillesse quoi, enfin non, c'est plutôt bien conservé, je dois dire, c'est assez c'est surprenant. Un tableau du troisième âge. Mais voilà, non, je suis désolé, je ne pourrais pas vous renseigner plus. Vous m'avez déjà donné quelques informations intéressantes. Hein. Vous dénigrez pas, mon ami. Catherine. Oui. Est-il possible de lui demander si on pourrait parler au conservateur pour quelques questions? Pas forcément sur l'œuvre, mais sur quelques œuvres qui seraient passées peut-être dans un musée. Et dites-moi, mon ami, qui est le conservateur actuellement Le conservateur, François Leduc. Est-ce que je peux faire un jet, savoir si je le connais de proche ou de loin, vu que j'ai des connaissances dans les beaux-arts, tout ça? Eh bien, fais un jet de crédit. Mais même, tu sais, ça prouve de super loin, tu vois, mais assez pour juste dire... Pas mal, hein. Ben et ça passe. Un jet de crédit. Bon, ça augmente pas ton crédit, hein, je t'avoue. Non, non, mais tu le connais. Tu l'as probablement rencontré à un espèce de vernissage suite à un de tes défilés, enfin de tes séries de trucs. Il serait venu et tu l'aurais rencontré. Voilà. Tu peux me répéter son nom, s'il te plaît? François Leduc. Merci. Je n'ai vraiment pas inventé ce nom. Ça se voit. Notez-le quelque part parce que je risque de l'avoir oublié dans 5 minutes. Voilà. C'est fait. Très bien. Dites-moi. Oui. Est-ce que c'est possible d'avoir rendez-vous avec lui? S'il demande, dites que c'est Catherine Lamberston qui lui demande. On s'est rencontrés, il y a un de ces quatre, et j'aimerais reparler avec lui. en privé d'ici. Attendez ici, je vais le faire demander, voir s'il peut se libérer un petit peu pour vous. Tu vois qu'il s'en va. Entre temps, vous pouvez tout à fait flâner dans la pièce, voir diverses œuvres. Je pense qu'on va continuer notre course. Voilà. Et une bonne vingtaine de minutes plus tard, vous voyez descendre la personne, le jeune homme qui vous avait renseigné, en compagnie de François le Duc, un homme âgé d'une cinquantaine d'années, assez élégant, qui arbore des habits plutôt propre, on va dire. Il a une prestance naturelle qui en impose. Donc il arrive vers vous, il dit « Ah, Catherine, alors, comment ça va? Ça fait très longtemps que nous ne nous sommes pas vus. » « Oh oui, vous savez, malheureusement en ce moment, mes recherches m'éloignent un peu de Paris. Comment allez-vous depuis ?» Oh ben ça va très bien, en plus le Louvre ne désemplit pas et nous avons encore de nouvelles œuvres qui sont en rénovation. Nous travaillons d'arrache-pied pour faire en sorte que le Louvre soit le plus beau musée du monde, mais personnellement je le pense qu'il est déjà. Oh, je pense aussi. Il y a moyen qu'on parle un peu plus en privé que dans cette salle? Bien sûr, écoutez, suivez-moi, nous allons aller dans une salle privée. Oui. Donc vous le suivez, il passe 2-3 portes et vous rentrez dans une pièce où il y a des œuvres mais que les gens ne peuvent pas voir, des magnifiques tableaux de 6 mètres sur 12 de large représentant une cavalcade, une chevauchée d'un chevalier ou d'un roi genre Louis XIV, tu sais, qui pourfend l'ennemi alors qu'il n'a jamais tenu une arme de sa vie. Mais c'est pas grave, c'est Louis XIV, il peut tuer tout le monde. Et effectivement, vous voilà dans une pièce. Alors dites-moi tout, ma chère Catherine. Il parle anglais ? Que je puisse pour... C'est la question que j'allais bien poser. Bien sûr, il parle anglais. Voilà. J'en étais sûr. Du coup... je vous pose la question. Les amis. Oui, enchanté, ravi de faire votre connaissance. Peter, les amis de Catherine sont mes amis. Ah, merci beaucoup. excusez-moi, monsieur le duc, avec l'accent américain vraiment qui arrache le nom. Nous sommes à la, un peu ici de la part d'un certain professeur Smith. Et disons qu'on a fait un détour dans votre musée. Ce nom me dit quelque chose, professeur Smith. J'ai déjà dû rencontrer cet homme. Bah, c'est un homme fort connu dans le vieux monde, comme on peut le dire. Il est surtout sur des recherches liées aux occultes. D'accord. Ne me demandez pas plus. Je crois que nous sommes déjà rencontrés par le passé. Il a fait une prestation au British Museum. Je ne sais pas s'il va faire une ici. Dans tous les cas, monsieur le duc, nous sommes à la recherche pour ce professeur d'une ancienne statue que vous. Je pense que vous connaissez la statue qu'on appelle l'artefact de Sedefka. Est-ce que ça vous dit quelque chose ? Qui réfléchit, c'est Defkar. Honnêtement, je ça ne me dit rien du tout. Apparemment, une pièce de cette statue aurait été vendue à un Milanais il y a de cela quelques années, entre la fin de la Grande Guerre et aujourd'hui. Vous m'en voyez désolé, mais je n'ai pas souvenir de ce Sedefkar. Et le comte Fenalik. Fenalik. Oui, ça me dit quelque chose, par contre. Fenalik, il me semble que... un peu avant la révolution, il était dans les petits papiers de la reine Marie. C'est ce que j'ai de souvenir, mais... C'était un peintre, un artiste Je ne sais pas trop, mais c'était un comte. Un conte. Mais le... souvenir, j'ai cru, je crois, me rappeler qu'il a eu des problèmes. Alors, je ne veux pas vous dire de bêtises, c'est le souvenir que j'en ai, mais je crois qu'on lui a attribué peut-être une petite romance avec la reine Marie, mais... Avec la reine Marie, mais je ne suis pas sûr, c'est à vérifier. Très bien. Est-ce que vous savez où peut-on voir les rapports de vente aux enchères qu'il y a eu à Paris? J'imagine que le Louvre est quand même surveille les ventes de certaines œuvres d'art. Et je ne sais pas si vous avez des documents sur les achats. De mon souvenir, vu que ce sont des œuvres d'art d'une importance qui peuvent être très grande, souvent nous transférons tout ça à la Bibliothèque nationale. Vous avez du coup le nom du document en question, ou c'est de manière générale vous envoyez tout en vrac c'est transféré directement aux archives de la bibliothèque qui eux classent ça dans les archives compétentes. Il faudrait que vous vous y rendiez et que peut-être vous vous renseigniez directement. C'était déjà notre but. Vous savez juste si l'accès est plus ou moins libre, ou s'il est... La bibliothèque... Demande recommandation. Outre le fait d'y aller, s'il y a besoin d'une autorisation, par exemple, du Louvre, ou est-ce qu'on peut accéder à ces archives-là? Si vous expliquez bien le pourquoi de votre recherche, ils seront à même de vous répondre si vous avez besoin d'une autorisation supplémentaire. Mais dans l'idée, je pense que si c'est juste de la consultation, ça ne devrait pas poser de problème particulier. Très bien, très bien. C'est effectivement juste pour de la consultation, normalement. Pour revenir sur la conversation, autre chose, je trouve que la collection sur Louis XVI est plus intéressante, mais... J'ai pas envie de vous mentir, une des œuvres m'a fort perturbé. Je pense que vous voyez de laquelle je veux parler. C'est l'esquisse. Ah, l'esquisse. Oui, c'est toujours un mystère pour nous. Certains ont essayé un petit peu d'analyser l'œuvre, mais sans succès. Mais nous avons quand même décidé de mettre cette œuvre pour son côté assez mystérieux, voire gênant parfois. Celui qui a pratiqué ce dessin a une technique vraiment exceptionnelle, puisque vous avez dû vous en rendre compte, il maîtrise dans un format beaucoup plus petit et avec un simple crayon ce que a réussi à faire le génie de Da Vinci avec la Joconde. Mais malheureusement, nous ne savons pas qui a fait cette œuvre, et encore moins qui était la personne qui était dessinée. Enfin voilà. Malheureusement, je vais pas pouvoir rester plus longtemps avec vous. On va pas vous accaparer tout votre temps non plus. À faire, mais ce fut un réel plaisir de vous revoir, Catherine. Et sachez que, à l'occasion, n'hésitez pas à passer au cabinet du Louvre pour qu'on puisse peut-être discuter et boire un verre. Ce serait fort agréable. Avec plaisir. Et emmenez vos amis, s'ils veulent venir, il y a pas de souci. Évidemment. Voilà. On va se retirer. Voilà, il vous ramène dans le hall où il y avait les peintures et il vous souhaite une superbe journée. Profitez bien. Je crois que d'ici quelques jours, le temps devrait se dégrader un petit peu. Mes os me le rappellent chaque jour. Ça, Ça ne me perturbera pas vu qu'on était à Londres il y a cela quelques jours. Ah, Ne vous en faites pas. bah ça va alors. Bon, Bien moi sûr. je sors à l'extérieur du musée. Ouais. Je me grille une cigarette, j'en propose une à Emilio. Bah, vous sortez et vous voyez que le soleil est quand même bien présent, même si il fait pas tout à fait. Enfin, il fait pas chaud, hein, on est en hiver, hein, enfin, c'est 12 janvier, donc il y Non, a en janvier, quoi. un petit vent frais qui vous ravigote. Ouais, vous avez toujours les effluves de nourriture qui passent, devant des gens qui vendent de quoi se restaurer, hein, des petits. Stand de Essayons donc bouffe. ce croissant. Allez, on va aller manger. Il est temps de se paître Et il y a d'un petit ça. repas. Et puis vous voyez devant vous le jardin des Tuileries, aussi magnifique que possible. Et il me semble, de mon souvenir, qu'il doit y avoir une orangerie pas loin non plus. Donc c'est une splendeur à vos yeux, avec des femmes qui marchent, les ombrelles à la main, aussi belles que ravissantes. Qu'élégante. D'ailleurs, tu remarques, Catherine, que certaines d'entre elles portent certaines de tes créations. Ça te plaît bien. Alors, donc, que faites-vous? Alors là, ça, on va prendre un petit café, peut-être manger un petit On va se truc, et mettre autour puis d'une table et en discuter, ouais. voilà, c'est ça. Moi, ça m'a vraiment perturbé, je me sens pas très bien, mais bon, j'ai envie de dire que ça m'intrigue cette histoire encore que nous a paru, enfin que nous a expliqué François Leduc. Avec Fanalic, le Oui. comte. Je pensais qu'il serait encore vivant, mais. Fénalique. Fénalic. Fénalique. Je pensais qu'il était encore vivant, mais il est mort à la Révolution, quoi. Enfin, Oui, je ou dans la pensais, preuve. j'ai eu vraiment une surprise. Je pensais que c'était un contemporain. Mais non. Visiblement, pas du tout. Pire, parce que du coup, on sait que il aurait peut-être eu une relation, tout ça, avec la reine Marie. Ce qui nous permet peut-être même de mettre des hypothèses sur ce fameux croquis. Enfin, je sais pas pourquoi, mais j'ai un lien qui se crée entre les deux, personnellement, entre cette esquisse et cette personne. Moi aussi, je Ouais. fais un lien, mais On ne c'est. sait pas ce qu'il faisait, donc c'est pas improbable que il avait une activité artistique Ouais, ce qu'on pour pourrait Bah, faire faudrait quand voir, tu seras à la Catherine. bibliothèque, c'est de Ouais. trouver un livre sur la qui serait fait par un biographe de Marie-Antoinette. Ce sera de toute façon notre but Faudrait voir, Catherine, en si il est bibliothèque. possible qu'on examine de plus près, qu'on puisse le retourner dans le dessin. Là, j'ai dû le demander, mais. Pas osé. Bah écoute, on va essayer de demander. Après, c'est très compliqué de manœuvrer des œuvres. C'est généralement seuls Combien des ça personnes coûte? très Je qualifiées, très l'achète. expertes. Non, je pense Même que ça, tu l'achètes en pas. dehors du prix, C'est c'est surtout que normalement, voilà, c'est des personnes expertes qui sont normalement artistes et qui sont faits pour faire en sorte que les œuvres ne s'abîment pas, qui ont le droit de les manipuler. Enfin, normalement, c'est très surveillé et très codifié. Je sens ma petite carte de Paris, comme ça. La carte que nous a donnée certainement à notre arrivée. Je vois qu'il y a d'autres bibliothèques. Est-ce que Catherine, tu aurais des intuitions sur ces autres bibliothèques qui est celle des tiers et arsenal? Si par hasard, par exemple, une pourrait relater des trucs de la Révolution ou quelque chose comme ça? Eh bien, je demande cette connaissance au vrai personnage qui en sait plus que moi. Oh oui. Oui, Eh que bien, me dit ma voix intérieure? alors, la bibliothèque tiers, peut être une bibliothèque où l'accès est moins surveillé, on va dire. Il y a moins, t'as pas besoin en soi de montrer patte blanche, comme je dirais. Donc, il est possible que vous puissiez aller faire un tour là-bas. Et il est possible que vous aussi pouviez trouver des informations, il n'y a pas de problème. Le Après, problème, c'est le problème qui pourrait se poser, c'est que les œuvres sont en français et eh la plupart d'entre bien, nous. sachez que vous pouvez toujours, une fois vous êtes rendu à cette bibliothèque, demander, encore une fois, L'autorisation pour aller à l'Arsenal. Non, en fait, demandez aux gens qui travaillent dans cette bibliothèque s'ils peuvent pas vous orienter vers une personne qui serait vous, enfin, être votre interprète ou votre lecteur pour des textes, disons, plus anciens, puisque autant Catherine parle un français correct, mais c'est pas de la lecture en proprement dit, autant les textes que vous allez être amené à étudier sont des textes de vieux français, et donc là, Catherine, tu seras quasiment. Oui, c'est vrai. Je nie pas le François. Voilà. Mais oui, non, mais c'est très pertinent. Il va nous falloir sûrement un interprète ou deux. Voilà. Sûrement deux pour être efficace, même. Après, si vous en trouvez un très bon, ça peut suffire. Ouais. Un très bon ou deux juste bons. On essaie de voir. Après, si on va prendre nos chambres à l'hôtel déjà. Ah oui. Normalement, l'hôtel peut nous permettre d'avoir des interprètes. Vous arrivez de Paris, vous vous baladez depuis tout à l'heure avec vos bagages avec vous. C'est vrai que... Ah bah justement, on va... Oui, les bagages. Ouais, alors, mais au Louvre, on peut les poser, les bagages. Quel hôtel vous voulez... dans quel hôtel vous voulez vous rendre? À savoir que Catherine, elle, de son côté, a son appartement à Paris, puisqu'elle y vit. Mais vous... On va les crécher aux catacombes. L'hôtel Bristol. Ah, le Bristol est le plus haut standing en termes de d'hôtel parisien. Donc évidemment, là vous aurez l'hôtel du Rhin. L'hôtel du Rhin, il y a une très belle vue à l'hôtel du Rhin, place Vendôme. Et en plus, si on vient en tant que membre du club de l'Oriental Club, je pense que on a certainement des bonnes chambres. L'hôtel à la place Vendôme, l'hôtel. Il n'y a que des bonnes chambres là-bas, vous tout à fait. Vous pouvez tout à fait demander une suite si vous avez les moyens de vous la récupérer. J'ai envie de dire qui n'est pas riche parmi nous. Bah, Emilio, je crois qu'il n'est pas. Emilio, je pense qu'il n'est pas forcément la même fortune que vous. On va dire que moi, la fortune. Je la toucherai quand plus tard, hein. Quand tout le monde sera mort. Non, enfin ça... L'héritage. Je prendrai ma retraite. Non, mais... Après, au besoin, je peux, vu la taille de l'appartement, héberger une personne, si jamais ça peut aider, puis ça peut nous éviter de dormir seul. Eh bien, au pire, tu peux héberger notre ami Emilio, qui, lui, n'a pas forcément la fortune nécessaire pour se payer une chambre au Bristol, et laisser... Oui, j'ai des soucis, en plus, il sait se défendre, c'est bien. Voilà, et laisser... Oui. Moi, dans mes souvenirs... Smith, le professeur Smith nous avait passé un petit magot. Vous avez un magot, ça c'est sûr. Vous avez voilà, c'est ça. Un sacré magot qui peut largement payer les frais d'hôtel. Oui, mais autant économiser. Sans mentir. T'as pas des couvertures supplémentaires chez toi, Catherine, pour nous héberger tous là? On veut bien le canapé, moi. Je ne sais pas quelle est la taille de ton. Bah, si elle a un crédit à 50 sur est-ce Paris. Que, est-ce que tu possèdes une maison d'ailleurs ou un énorme appartement? Je pense un énorme appartement plus qu'une maison. J'ai un bouquin. Ouais. Il faut remettre ça dans le contexte de l'inflation de l'époque. Ça coûtait un peu moins cher. Après, je sais bon. Que dans le vieux. Je pense Paris, qu'aujourd'hui, je pourrais juste m'acheter un petit studio. Mais. Non, mais attends, mais t'es riche, toi. Non, oui, elle je est sais, mais je parle de ça qui dit aujourd'hui, en 2020. Elle est aisée, hein, elle n'est pas riche. Ouais, enfin, bon, elle a quand même les moyens d'avoir... De vous faire parler. Oui, et puis bon, il y a l'héritage, il y a la famille, tu sais. Maisonnet. Nous ne sommes pas des prolos, nous. Voilà. Par contre... Qu'est-ce qu'il y a contre les prolos, là. Pour moi, t'as un petit peu figé ta caméra, mon cher ami Xen. Je trouve que non, j'ai regardé sur l'image depuis tout à l'heure. Ah non, mais non, moi je le vois normal. Tu vois bouger? Moi je le vois pas bouger. Bah oui. Bah moi je le vois bouger. Attends, je regarde. Je regarde le stream. Effectivement, chez toi il bouge pas, mais chez moi je le vois hyper fine. Hein. Moi je te vois, Xen, t'inquiète pas. Bon, bah c'est pas grave, alors laisse tomber. Hein. On fera... Alors je peux faire de l'audio description si tu veux. Ah bah il vient d'éteindre la webcam. ça y est, tu bouges. Il les épaules. Il bouge, c'est bon. Merci d'être venu. Il fait une grimace pour nous montrer qu'il est déconcerté par la suite. Non, mais il voulait faire genre celui qui lit pendant. Tu sais, je suis vachement élu, je lis. Bah, enfin, si Catherine, c'est pas des couettes, moi je suis preneur, hein. Moi j'ai pas envie d'aller à l'hôtel. Ah, je. Sincèrement, j'ai pas envie d'aller à l'hôtel, c'est tout. Pourquoi pas, hein. Moi, en tant qu'américain et connaissant Paris, l'hôtel Bristol, on me l'a toujours bien vendu. Donc, si je reviens aux États-Unis, c'est pour dire j'ai dormi là-bas, quoi. C'est pas pour dire. Tu vas au Bristol, il y a pas de problème. Ah ouais. On te fait, tu choisis la chambre que tu veux. Je leur fais pas. Est-ce que d'ailleurs, est-ce qu'ils ont le téléphone pour téléphoner aux États-Unis ou pas? Bah après, ils ont le téléphone. Alors. Il y a le standard à Moulin. Oui, voilà. En fait, ils peuvent te donner une ligne pour aller aux États-Unis, ouais. Bien sûr. Je vais faire un appel juste pour expliquer où je suis. Pour les États-Unis même, il y avait déjà les câbles. En 1923. Ils avaient déjà posé les câbles pour attends, le. Je sais qu'ils bossaient là-dessus. Il faut y croire. C'est des câbles à pigeons voyageurs. C'est là où se pose des pigeons. Il y avait le télégramme en 1923, je crois. Déjà. Entre la France et. Alors, j'ai pas de pantier. Ça date de 1800. La dernière raccordement c'est 1925, mais ça a commencé en 1880. Ok. Raccordement téléphonique. Ouais. Ah. Télégraphe. Le télégraphe. Donc. Et du coup, oui. Au pire, tu peux envoyer un télégramme. On va dire que tu peux envoyer un télégramme et avoir une réponse. Entre 1850 et 1956. Ça fait pas mal de temps. Voilà. Donc, en gros, on va dire que dans l'esprit, tu peux envoyer un télégramme aux États-Unis. Et voilà. Tu peux avoir des nouvelles du nouveau continent. En soi, donc, toi, tu as une magnifique chambre. Grand luxe où tu t'y sens ouais. Vraiment à l'aise, tranquille, tu poses tes affaires, on s'occupe de tout, si tu veux manger on te fait à bouffer, il n'y a pas de problème. De l'autre côté du coup Emilio suit notre amie Catherine et on va dire que tu peux loger aussi Nelson. Ok, ouais, y a pas de soucis. Okay, je vais prendre le gros tu as, on va dire, deux chambres d'amis qui feront largement l'affaire. Ah oui, non, mais je prends un salon, il n'y a pas de problème. Non, mais deux chambres d'amis, c'est très bien. Vous avez chacun votre chambre. Emilio, tu te rends compte quand même que Catherine, elle a quand même de l'oseille, hein, parce que c'est bien beau chez elle. Je suis une styliste renommée. Voilà, et qu'il y a plein de raffinements chez elle. C'est très design. Tu vois d'ailleurs des endroits avec des croquis qui sont posés là où elle est en pleine création, mais elle n'a pas fini. Des bouts de tissu qui traînent à droite à gauche avec des mannequins en bois, tu sais, où des chapeaux sont posés, enfin divers trucs. C'est l'ébullition en fait. Il y a une pièce qui est envahie de trucs comme ça. Ah ça y est, maintenant on a des problèmes de caméra chez les autres. Mais j'avais pas de problème de mon côté. En 2019. Du coup. 2020. On va partir du principe que vous êtes allé poser vos affaires et vous vous retrouvez dans Paris au niveau de la Tour Eiffel parce que voilà comme ça vous avez vu la Tour Eiffel. Dans Paris. Et Quel majestueux monument, c'est le plus beau monument du monde, il faut le dire, la Tour Eiffel. Après, je vous propose quelque chose. Est-ce que vous voulez qu'on passe un petit peu le temps quand même pour que commencer un petit peu à investiguer sur la bibliothèque ou alors on va à la bibliothèque tiers directement et vous essayez de vous trouver. Moi je suis ok pour t'accélérer juste le temps, je vais aux toilettes. Mais alors est-ce qu'on fait ouais. Est-ce que vous allez à la bibliothèque tiers, on fait la bibliothèque tiers et après on accélère et on va aux deux jours je vais être honnête, je pense, est-ce qu'il y a un intérêt à la bibliothèque tiers ou est-ce que c'est une sorte de mini intérêt qui peut faire un replay sympa mais sans plus. En gros, ça, moi la bibliothèque tiers, je peux en tant que MJ me dire que vous pouvez trouver quelque chose que vous auriez dû normalement trouver dans la bibliothèque nationale, mais histoire de pas de gagner un peu de temps. Mais après, voilà, dans l'idée, la bibliothèque nationale est là. Où oui, on peut accélérer. À tiers, il y a ce qu'il y a à la nationale, quoi. Enfin, on va pas trouver. Moi, j'aurais pas la nationale là-bas. J'aurais dit, on aurait plus d'informations à la Bibliothèque nationale. Et surtout, bah, je préfère visiter Paris pour le moment que simplement passer une journée entière à lire des bouquins. Mais... Donc, ce qu'on va faire, c'est que vous allez passer 2 jours okay. Visiter Paris. Montmartre. Paris. Pour la couverture. Quartier latin. Pour la couverture. Voilà, Montmartre, quartier latin, le Moulin Rouge, tout ça. Voilà, vous voyez les plus beaux quartiers. Notre-Dame. Ah, bien sûr, Pigalle. Pourquoi que ce quartier-là, en fait? C'est une rue du Monopoly. Et vous arrivez donc au... le lundi 15 janvier, puisque évidemment les administrations sont fermées le dimanche. Donc ça ne pouvait pas être... Le dimanche qu'on vous rendez trucs, donc dans vos ambassades respectives pour récupérer vos attestations, votre papier qui vous offre, montre patte blanche pour la Bibliothèque nationale. Vous vous retrouvez donc devant cette bibliothèque nationale. La bibliothèque. La bibliothèque. Voilà. Alors, du coup, je vais me mettre là où je dois être, c'est-à-dire dans le truc qui parle de la bibliothèque. Alors. Quand vous arrivez... Alors, j'aimerais bien que notre ami... Bon, je vais faire moi-même ma pause pipi, alors. Hein, parce que... Comme ça... On fait une petite pause, le temps qu'il fasse pipi. Une petite pause pipi. N'hésitez pas, pardon, j'ai initié le mouvement. Profitez dans le chat si vous voulez poser des questions et tout. Parce que c'est vrai que pendant la session, c'est pas simple de moi répondre. Et puis comme je veux pas casser un peu l'immersion, même si j'essaye, c'est pas toujours évident d'en avoir. Mais voilà, j'essaye de ne pas parler directement avec vous. Pour pas casser le rythme. Voilà. Après, il faut être un peu indulgent. Ça fait... les vacances sont passées, les fêtes et tout. Il faut qu'on se remette... Le gavage, l'alcool... Là, je mouline un peu. Je suis malade. Il faut qu'on se rappelle de ce qu'on a fait, de ce qu'on n'a pas fait. Non, puis je suis malade, moi, laisse tomber. T'es malade? Ah, je suis malade. Ça s'entend pas que je parle un peu avec le nez? Un peu avec le nez? Ah, j'ai cru que t'avais chopé la ch'touille ou quoi? Ah non, non, je te jure. Là, moi. Le tarot de Marseille. Ouais. Avec la boule de pétanque. Nous sommes pas à Marseille, nous sommes à Paris. Voilà. Mais j'ai pas trouvé le tarot de Paris. Il va se faire taper. Donc, on vous reprend comme ça parce qu'on va essayer d'aller un peu plus vite. Maintenant, vous êtes devant la Bibliothèque nationale. C'est un monument assez imposant. La Bibliothèque nationale est le plus grand dépôt de livres du monde après le British Museum. C'est en gros, en termes de capacité de livres, c'est l'équivalent de la Reading Room du British Museum. Vous avez une salle de travail des imprimés qui s'appelle la salle Labrouste. Et vous avez 9 dômes de faïence bleue, magnifique, qui peut accueillir jusqu'à 344 lecteurs, ce qui est énorme en soi. Et candidats doivent obtenir un ticket auprès du secrétaire de la bibliothèque en précisant le sujet étudié. Donc voilà, en gros, c'est vous y allez et vous demandez ce que vous voulez étudier comme sujet, et après on vous oriente vers les différentes allées et trucs que pour pas que vous passiez, parce que ça prendrait une vie entière si on vous expliquait pas exactement l'endroit précis pour trouver un bouquin. Quand vous êtes arrivé, vous êtes renseigné. Pour une personne qui puisse vous aider. Et on vous a orienté vers un jeune homme de 27 ans qui s'appelle Rémi Van Game. Je vais vous écrire le nom. Voilà, Van Game. Voilà. Alors, il n'y a pas de U. Désolé, j'ai rajouté un U, mais il n'y en a pas. Voilà, Rémi Van Game. Je vais mettre pour le chat, comme ça les gens verront aussi son nom. Rémi Van Game. Qui est un étudiant à la Sorbonne. Et il est essayiste. Aussi. Donc il écrit beaucoup des essais sur diverses choses et tout. Et on vous a du coup conseillé d'aller vers lui. Et d'ailleurs, vous avez de la chance, il est présent aujourd'hui. Il vient vous voir et vous dit que pour une vingtaine de... pour 20 francs par jour, il vous fera un travail honorable. Mais pour 50 francs par jour, il fera un travail top moumoute, top classe internationale. Question, moi j'ai des... Des livres des... Ouais, j'ai des livres. Vous pouvez tout à fait faire du change, hein, vous pouvez faire changer. Tout à fait, non mais ça je m'en doute, mais c'est juste pour savoir à peu près dans l'idée le taux de change. Peut-être pas alors, précisément, mais... Je crois que c'était écrit. Le livre. Hein si. En 1923 le livre. Ouais, non, c'était écrit. Je l'ai écrit dans votre Discord. C'était écrit dans le PDF. Ah, excuse-moi, je n'ai pas ouvert le PDF. Oh t'as pas fait tes révisions. T'as pas fait tes devoirs. Le guide du touriste. Le guide du voyageur. Non, mais j'avais lu quand même le Discord. J'ai pas 72 francs, ça fait un livre. Une livre, okay. C'est 72 balles. Et pour te dire, un voyage. Ce qui veut dire que je suis très riche du coup. Un voyage en Orient Express, je sais plus c'était combien de livres, 20 et quelques livres. Là en Express. Du coup, Catherine, t'as ramené toute ta bibliothèque. Tu vas faire le change. Oui, mais non, mais effectivement, je ramène toute la bibliothèque. Quoi qu'il en soit, j'ai beaucoup de livres. Il propose donc c'est 20 francs, il vous fait un travail honorable, 50 balles. Non, on prend les 50. Il est il a un grand sourire, il dit voilà. Moi je vais faire mieux, hein, je lui donne une livre et puis il se démerde. Hein. D'ailleurs, je propose. Alors là, c'est royal, tu vois, il va se démener pour vous, il vous suivra n'importe où si vous avez besoin de lui. Et par contre, chez nous, c'est 42 heures, hein, c'est pas 35. Ouais, tu sais, à cette époque-là, les 35 heures, ça n'existait pas. Ouais, oui, déjà. Il y avait les 3 fois 8. Et pour lui, voilà, une livre, c'est une somme. Hein. C'est 72 francs par jour. Ouais, c'est énorme. De malade, quoi. Ouais, ça fait au moins, je sais pas, 6 mois de loyer de sa chambre de bonne. Il fera tout ce que vous voulez, vous suivra n'importe où. Parfait. Y a pas de problème. Donc, moi, ça a été juste à lire les livres. Hein. Oui, mais là, il va bosser de type. Maintenant, c'est simple. Il vous dit qu'est-ce que vous voulez. Alors, je propose qu'il nous recherche beaucoup d'informations sur Finalik. Que sont devenus ses biens, où est-ce qu'il est enterré, que sais-je, peut-être qu'il est enterré avec ses biens quelque part, s'il a des héritiers, peu importe. Trouver le maximum d'informations dessus. Je pense que c'est notre priorité, le compte Finalik. Alors, avec un... Ouais. Une petite détail, savoir s'il a mené dans sa vie quelques exercices artistiques de type pictural. Sur sa vie, quoi, en manière générale. Et il aurait une relation, une liaison avec Marie-Antoinette, donc alors, peut-être chercher par rapport dit, à sa biographie. Il vous dit que ça va prendre quand même pas mal de jours et que ce serait, même si voilà, il peut accomplir, enfin, il peut faire beaucoup, mais que ça irait quand même beaucoup plus vite si vous l'aidez, hein, évidemment. Très bien. Du coup, bien sûr. Ce qu'il vous propose, du coup, c'est d'orienter les recherches sur tel ou tel truc. Là, vous allez, ça va vous prendre la journée, de toute façon, pour voilà, et vous allez me faire un jet de bibliothèque, s'il vous plaît. On participe du coup. Oui, oui. Bah bien sûr. Est-ce que moi je pourrais pas aider par exemple Kathleen à porter des bouquins ou des trucs comme ça juste parce que je suis nul en bibliothèque. Putain. C'est pas grave. Faites vos jets, y a pas de souci. Putain, attends, je me rappelle plus. Bon bah j'ai réussi. Le dessin. Merde, c'est quoi? Bah voilà, de quoi tu te plains? Je suis seul à réussir. Alors j'ai 25%. Il est où mon dessin? Je me rappelle plus où il est mon dessin. C'est en bas à droite, à gauche. Je dirais même que t'es le seul qui a réussi, c'est n'importe quoi. Ouais. Moi, je dis à Fantasy Grand à un moment qu'il faut qu'il respecte le RP de nos personnages. Je sais pas lire en français. Oh, ce bouquin là, c'est là. C'est exactement ce qu'on cherche. Tu sais, il y a un moment, il y a un bouquin qui me tombe sur la tronche au yu. Ah, c'est celui-là. Et dedans, il y a toutes les infos, tu sais, il y a le scénario. Putain, il d'accord, c'est écrit « me jeu ». Ah putain, je te jure. Donc, comment on fait pour rater des jets quand on a autant de chance? Peter. Bah je dis ça, hein. Vous pouvez réessayer vos jets. Putain, là, franchement, t'es doué. Bon, c'est vrai qu'un effet critique en bibliothèque, est-ce que c'est si grave que ça? Tu brûles la bibliothèque, hein. Ouais, elle est pas importante, c'est bon, c'est un petit truc. Moi, j'ai eu de la bonne volonté. Non, mais franchement, GG à toi. Hein. Oh, bravo. Ouais, tu viens de sauver le scénario. Ouais. Y'en a marre. Attends, Nelson et moi, on avait 50, on fait des échecs. Là, l'autre, il arrive avec ses 25. J'ai une photo de Van Game pour vous, tiens, comme ça, vous allez. Ah, voir, c'est sympa. Oui, ah putain, il ressemble. Ah, c'est. Ouais, il a une belle tête de coco lui. Hein. Il ressemble aussi à un acteur Hollywood. Ah là là, je sais même pas s'il est décédé depuis. Alors malheureusement, pour vous, j'ai pas mis comme j'ai changé de profil, les gens vont pas voir la tête de Van Game. Il faudra que je fasse un. Je trouve un système, mais bon, sachez que c'est un homme aux cheveux courts. Je vais un peu le décrire comme ça, au moins les gens vont voir un petit peu. C'est un homme aux cheveux courts. À la brosse. En espèce de brosse. C'est un type un peu. Un typé hollandais. On va dire un peu. Un peu. Ouais, c'est ça, néerlandais. D'une taille. Van Kilmer, voilà, je cherchais le mot. Il ressemble à Val Kilmer. Ouais, ben voilà, ben Val Kilmer. C'est parfait. Voilà. Si vous voyez Val Kilmer, eh ben c'est Remy Van Game. Quoi qu'il en Val soit, après une journée de dur labeur, et sachez que vous embrassez des documents. Vous en avez fait tourner, ça a été compliqué. Mais vous finissez quand même la journée avec une information qui vous dit que la recherche de référence du coup alors vous avez, c'est moi qui suis, vous avez plusieurs livres, pardon, qui évoquent un scandale ayant eu lieu dans la cour de la reine à la veille de la révolution. Sans donner plus de détails, ces bouquins disent qu'un homme issu de la basse noblesse aurait été impliqué dans une affaire avec la reine. Cela provoqua un vif émoi dans le palais, et cette personne, cette personne de basse noblesse, fut exécutée sans procès. Il s'agirait a priori du comte Fenalik. Donc, dans l'idée, serait été un comte Fenalik mort avant même la Révolution française. C'est peut-être son frère alors. Mais vu que vous avez cette information, vous êtes empressé de. Oui. Non, vas-y, finis, après je voudrais parler un peu avec les joueurs. Vous êtes empressé du coup de rechercher peut-être un descendant ou quelqu'un qui serait justement de sa famille. Et vous avez vu en cherchant, mais c'est pour ça que c'est peut-être l'information qui vous a pris le plus de temps à trouver, parce que vous avez dû brasser énormément de notes, d'archives et tout. Et bien, à la fin de cette journée, ce nom de famille n'apparaît pas nulle part. Il y a zéro descendant. Et aucun nom dans les archives depuis ces 100 dernières années. Putain. Après, on peut chercher par rapport au comté, parce qu'on doit savoir le titre qu'il avait. Mais alors là, c'est la fin de journée. Non, parce que le reste, t'as pas de terre. Hein. Oui, mais t'as un titre. L'information qu'on a, c'est que le comte Finlinki, c'est quoi ? Il a un morceau de l'artefact, c'est ça ? Ouais, pardon. C'est pas logique s'il est mort avant la Révolution, parce que c'était à la Révolution C'est bien ça. Vraiment, ça me tricutait, mais je vais être sûr. Donc, du coup, l'information, c'est bien qu'il a un morceau du simulacre qui a été séparé après la Grande Guerre. Non, à la Révolution. Alors, après la Révolution. La Révolution. Après la Révolution, ça a été séparé. Donc, du coup, ça veut dire. Lui, il est mort avant la Révolution. Ouais. La veille, enfin... D'accord, ouais. Oui, oui, oui, il y a bien un problème. Du coup, soit il n'est pas vraiment mort, soit un descendant, mais visiblement non. Peut-être un frère caché, est-ce qu'il y a un truc comme ça ? Mais d'ailleurs, Professeur Smith, il a eu cette information comment que c'était certainement le comte Fenelix, il est mort. C'est ça ? Qui savait que c'était le comte Fenelix ? Parce qu'il a brassé, de par ses connaissances, il a réussi à remonter jusque-là. Maintenant, après, vous n'en savez pas plus. Et vous, voilà, c'est un peu ce que vous allez devoir faire. C'est compliqué cette histoire. Ok, ok. En tout cas, c'est la fin de journée. Vous avez passé pas mal de temps. Je pense que voilà, vous allez aller vous reposer et remettre ça à demain. Revenir à la bibliothèque. Et je vais vous demander encore une fois de me faire un petit jet de bibliothèque. Sachez que vous allez passer un peu de temps à la bibliothèque, donc c'est normal. On peut toujours pas aider quelqu'un. Je me suicide. Cool. Au revoir. MJ, je tiens à me suicider, s'il vous plaît. Je me fais un jour. Okay. Donc personne n'a réussi de votre côté. Non, on attend notre petit Rémi Van Game. Alors grâce, vous avez de la chance. Rémi Van Game a réussi quand même à bosser au mieux. Il a quand même retrouvé. Et donc en gros sur le, ça va vous prendre 2 jours sur le jour 2 et enfin sur 2 jours. Donc là nous sommes. Parce qu'il faut que j'augmente un petit peu les trucs. Donc on a l'information le mercredi 17. Le 17, voilà, le mercredi 17. Les informations tombent, voilà. Et, hop. Alors, il faut que je tombe sur les bons trucs. Vous tombez sur un extrait du journal de Mademoiselle de Brienne. Daté de juin 1789. Okay. De Mademoiselle de quoi ? Mademoiselle de Brienne. Brienne, merci. Voilà. Qui écrit : tel l'astre solaire, le comte nous dispensait lumière, chaleur et plaisir par sa simple présence. Sans nul doute, ces fêtes étaient les plus merveilleuses et les plus fantasques que notre ville ait connues. Et c'est là qu'il est devenu évident qu'il cachait quelque chose de maléfique, provoquant la colère de la reine. Les hommes du roi ont assailli la demeure du comte, semant la destruction avant de l'arrêter. C'est intéressant, ça. Et ça a été très compliqué pour retrouver cet article, parce que voilà, ce sont que des extraits de journal d'une dame, qui c'est pas forcément une personne en soi très importante. C'est le métier d'historien, monsieur, hein. S'il n'est pas content. Donc voilà ce que vous avez réussi à glaner en 2 jours. C'est compliqué, mais vous arrivez quand même à avancer. Vous avez quand même réussi à trouver ceci. Et De par ce que vous avez trouvé, en gros, ça mentionnerait alors un compte, mais ce compte-ci serait nommé le compte Penalicek. Ah tiens, c'est pour toi ça. Ouais, mais c'est un compte milanois, milanais. Penalicek. Voilà. Je vous mets le nom. Check. Voilà, check. C'est check? Non. Je comprends rien. C'est ah oui, d'accord. Écrit, là. Oula, je l'ai pas du tout écrit comme ça. Oula. Voilà. En juin 1780, vous voyez que ce document parce que est qu'on assez n'est pas abîmé bon. Par l'humidité et il n'est pas très lisible hein, aujourd'hui, ce truc-là. Mais c'est... voilà. Et du coup, ce que je pense, c'est que peut-être que Finalicek, bah, c'est fait la nique. Et dans ce cas-là, il faudrait voir s'il n'a pas un descendant du nom ou un frère ou quoi que ce soit du nom de Fenalicek. Si on ne cherche pas le bon nom. C'est exactement ce que vous avez fait après, ce qui a expliqué aussi pourquoi ça a été compliqué, que ça vous a pris deux jours en gros pour y arriver. Et vous arrivez à la même conclusion. Il n'y a aucun descendant ou personne s'appelant Fenalicek dans les 100 dernières années. Bon, votre c'est pas son journée vrai nom. Il en a s'arrête ici. À part si vous voulez aller bouffer au restaurant et que vous avez envie de jouer le roleplay. Moi j'ai envie de discuter juste un petit peu. Vas-y, je suis d'accord. Pour discuter quand même. Allez-y. Parce que autant qu'on oriente nos recherches pour que peut-être on trouve quelque chose de précis, qu'on réussisse tous, hein. Peut-être avec un petit bonus de quelques pourcentages. Que dites-vous? J'ai pas compris, excusez-moi. Non, pardon, excusez-moi. Un bonus de quoi? C'est le stress. On est d'accord que ce compte Fenalicek était avait des relations avec la reine Marie-Antoinette. Oui. Serait-il possible qu'il aurait eu des relations au point où il s'envoyait des tableaux ou des trucs comme ça? Il n'a pas eu de bâtard par hasard? Non. Ouais, il n'y a pas de descendant. Du bâtard. Oui, non, ce que j'aime bien, c'est que après on pose la question du descendant, mais ça aurait pu être du côté de Marie-Antoinette. Là, on est encore avant la Révolution. Si je puis me permettre, là, c'est Rémi qui parle. Peut-être pourrions-nous axer nos recherches sur les hommes du roi qui ont été cités l'extrait du journal de Mademoiselle Brienne, et du coup peut-être nous orienter vers la bibliothèque de l'arsenal, peut-être pour avoir je ne sais pas moi des documents qui relateraient cette arrestation ou le procès-verbal. Ouais, exactement. Dernière chose, moi je penserais aussi à la théorie que ce soit pas Fenalicek qui soit condamné à mort, quelqu'un d'autre, mais par exemple, la reine avait certainement un amour et aurait certainement eu le pouvoir et même la possibilité de mettre quelqu'un d'autre à sa place à la mort. Et du coup, Fenalicek pourrait s'enfuir. C'est bizarre parce qu'en fait, dans l'écrit que vient de nous lire notre ami, il est expressément dit que c'est la demande de la reine en fait qu'il a été arrêté. Oui, c'est ça. C'est la colère de la reine. Si, c'est ça. La reine a été mise en colère et elle a envoyé la garde royale le tuer. Mais en fait, on est d'accord qu'il y a une zone d'ombre là-dedans parce qu'il y a quelque chose qui colle pas, il y a quelque chose qui ne va pas. Et il faut effectivement qu'on, de toute façon, on fouille ça. Il faut qu'on comprenne ce qui s'est réellement passé. Donc la demande est bonne. Si la statuette permet la même chose qu'on a lu dans les écrits là, avec les fesses rouges. Peut-être que la reine a été possédée, enfin manipulée. Par un fesse. C'est quoi? Peut-être pas par un fesse, mais par la statuette en elle-même. Par le détendeur de la statuette. Ne parlez pas de ça devant un inconnu. Alors vous voyez Rémi qui comprend absolument rien de ce que vous dites. Ah, mais si il comprend pas bien l'anglais de toute façon. Moi j'adore les fesses. C'est troublant, mais bon, soit moi ce que je peux vous proposer, bon là il est déjà tard, mais si vous voulez, mon anglais n'est pas parfait. On peut se rendre à la bibliothèque de l'arsenal et on peut chercher un procès-verbal ou qui aurait pu relater l'arrestation de ce comte Fenalicek. Après, on sait que de toute façon, il est passé sans procès. Il a été directement exécuté, donc faut espérer que ça fasse pas chou blanc. Quoi. Écoutez, soit. Mais on va chercher. Ok. Et bah du coup, vous rentrez fatigué par cette journée harassante où vous avez quand même cherché, beaucoup marché parce qu'il fallait aller à droite, à gauche pour trouver les écrits. Vous allez vous restaurer au mieux, passer une bonne nuit. Et le lendemain, vous vous retrouvez donc à... la bibliothèque de l'arsenal. Hop. Alors, faites-moi un autre jet de bibliothèque. Ok. Alors, j'ai une chance sur deux. J'ai raté deux fois. Là, il va me dire quoi ? Oui ! Attends, oui. Moi, j'ai réussi deux fois. Je peux pas cocher la case deux fois. Vous voyez, moi, j'ai le journal, en fait. Moi, j'ai le journal, hein, pendant que vous faites vos recherches. Hein. Moi, j'ai rien trouvé. Moi, je sneak que dalle. C'est parce que c'est pas ta langue, enfin... La langue à maman. Ouais. Non, moi, mais je trouve les dommages par hasard. Ouais. Ok, donc, sur ce, vous réussissez quand même à pas mal vous débrouiller. Et vous tombez sur un document d'un certain capitaine Louis Malon en juin 1789 qui relate l'arrestation d'un certain comte. En effet. Le capitaine Louis Malon aurait donné donc l'assaut sur le manoir de Fenalic à Poissy, dans l'ouest parisien. Et de par les écrits que je vais vous lire sous peu, cette expérience l'a plutôt fortement secoué. Alors je vous lis le texte en question. Hop. Lorsque nous arrivâmes, la fête battait encore son plein. Hommes et femmes copulant comme des chiens enragés. Nous les chassâmes et arrêtâmes quiconque ne pouvait justifier de son identité. J'envoyai 6 hommes capturer le comte, tandis que j'entrais dans les salles souterraines. Les mots me manquent pour décrire ce que j'y vis. Tout au plus puis-je dire que ce cloaque m'évoqua l'enfer, que Dieu nous protège. Les salles contenaient de nombreux engins de torture. L'un de mes hommes découvrit une étrange vierge de Nuremberg fermée à clé. Craignant qu'un pauvre air en fût prisonnier, nous la détruisîmes, mais elle s'avéra vide. Quel jour funeste que celui où un être tel que Fenalic est arrivé à Poissy. S'il n'était pas châtié par Dieu, il le sera par le roi. Sans le moindre regret, j'ordonnais que l'on mette le feu à la maison et à tous ceux qui étaient encore en sous-sol. Le comte hurla comme si sa propre âme était la proie des flammes. Nous le conduisîmes à l'endroit qui serait sa nouvelle demeure jusqu'à ce que la pourriture l'emporte. La Bastille. Ben, il n'y a pas de, vous n'avez pas là tout de suite d'indication sur là où il a été amené. En tout cas, Rémi, source dit que il aurait du coup un manoir. Il aurait eu un manoir dans la ville de Poissy. De Poissy, ouais. Ouais. Que j'ai noté. Moi, je pose la question, est-ce que c'est loin, Poissy, à Paris ? Non, non, ça va. C'est une vingtaine de kilomètres de Paris, à l'ouest. L'ouest de Paris. Vous pouvez vous y rendre en train. Ah. Bah, faisons ça, Rémi. Nous te laissons à ton travail de bibliothèque. Hein, pour... bah, oui, mais Rémi, il peut chercher, par exemple, savoir où, dans les documents, s'il y a un moyen de savoir où il a été mis. Sachant que... bah, on a avancé, parce qu'il y a 3 jours, les informations qu'on avait eues disaient qu'il avait été directement exécuté. Maintenant, on sait que non, il a été déplacé avant ça, donc... Ouais. Après, moi, ouais, je vais essayer de mon côté de trouver où est-ce qu'il aurait été incarcéré. Voilà, vous, de votre côté... Je lui tends un billet de 5 livres, si ça existe, pour qu'il travaille à plein temps, hein, sur l'affaire. Il le fait déjà à plein temps, là. Il fait ça à plein temps, c'est bon. Un truc, mais franchement, qu'il y mette de son cœur aussi, pas juste... Enfin, voilà, c'est 5 livres aussi pour moi. Non, mais 5 livres, c'est l'équivalent de 5 jours, c'est-à-dire tu lui demandes de travailler une semaine. Oui. Ouais, puis qu'il mange bien aussi. Qu'il a voilà, mais... quoi. Voilà, voilà. Déjà avec les 72 francs qu'il a tous les jours, je peux dire qu'il mange bien. Là, et si Mio a besoin de 5 livres, je lui donne aussi, hein, je t'ai entendu. Non, c'est bon, je suis pas dans le besoin. J'ai entendu ta demande. Non, mais je vois qu'il balance des 5 livres à des étudiants, excuse-moi, mais bon, au bout d'un moment. Des étudiants en histoire, en plus. Attends, c'est une bibliothèque. Il a utilisé son billet de 5 livres comme marque-page, c'est ça? Ouais, c'est ça. À peu près. Non, mais ouais. Ok. Du coup, on est le mercredi 17, toujours. Donc, qu'est-ce que vous voulez faire? Demain, vous voulez essayer d'aller à Poissy pour essayer de trouver où pourrait être ce manoir? On n'était pas le lendemain, là, déjà, pour l'arsenal? Ben non, personne a... Tout le monde a refusé mon invitation à manger le soir-là. D'accord. Ouais, okay, ouais, c'est bon. D'accord. Je vais noter ça, mais visiblement... Ok. Oui, bah oui, du coup, on ira le lendemain. Enfin, on ira le jeudi 18 à Poissy. Pour le coup, comment dire, Rémi vous dit que l'idéal, ce serait de vous rendre à la mairie de la ville et d'aller au niveau des putain, j'ai oublié le nom. Les archives. Ouais, enfin, c'est pas les archives, c'est le cadastre. Le cadastre, voilà, merci. Il n'y a pas de problème. Le cadastre pour essayer de voir si il n'aurait pas d'informations supplémentaires. Maintenant, attends. Attends, ce que je regardais. Attends, excusez-moi, parce que je suis en train de regarder un truc pour voir. Je suis en train de me perdre dans les notes, il y en a partout. Mais un marque-page à coup de livre. Hop. À coup de 5 livres. À coup de 5 livres, s'il te plaît. Ouais. Voilà, ça c'est ça. Alors, vous allez tous me faire un autre jet de bibliothèque avant de partir. Ah! Avant de quitter vraiment... Moi j'ai mon journal, hein. Ah! Il a réussi, Nelson! Il peut cocher moi la case! Aussi. Il m'a quand même, pour une fois! Bah là, je continue à lire mon échecs, journal! Hein. Parce que depuis, c'est vrai que depuis le début, je fais que des échecs, même pour mes réussites. Une chance sur deux! Ah, une chance sur deux, il fallait bien! Vous voyez que Rémi, en fait, après avoir. déterrer un peu l'information sur le fait qu'il possédait un manoir à Poissy, a creusé un petit peu dans d'autres bouquins et est tombé sur une description un peu de ce manoir du comte Fenalik. Et que cette villa était bien connue pour l'étrangeté de son architecture. Elle est décrite comme un pot pourri de style différent, allant du classicisme grec aux appuis médiévaux, en passant par des tours brisées de construction récente, imitant des ruines gothiques, rappelant la mode anglaise de décorer les jardins de fausses ruines. C'était une villa de 3 étages et le bâtiment comptait 12 de chambres, une salle de bal et plusieurs salons. Vous allez faire encore un autre jet de bibliothèque, s'il vous plaît. Parce que vous êtes bon. C'est vrai qu'on est bon. Ouais. Alors, je vais faire un échec parce que j'ai dit ça. Oh non, ouais. Évidemment, il faut jamais dire c'est vrai que je suis bon. J'ai réussi. Je suis en veine hein, aujourd'hui. Hein, il m'énerve ce monsieur à 25% là. c'est pas ma faute. D'un bouquin, Peter, tu tombes sur un truc qui est pas mal. Ce sont les plans dressés par le constructeur parisien détaillant la disposition de la maison, y compris des escaliers, prouvant l'existence d'un cellier qui n'est pas présent sur la carte. D'un cellier ? Oui. Un cellier. D'un cellier qui n'est pas présent sur la carte. Tu vous trouves aussi un dessin en camailleux représentant la façade du bâtiment. Alors. Est-ce que tu analyses un peu plus le document du dessin ou pas Ouais, bah, je m'y connais pas trop en dessin, donc je vais montrer ça à Kathleen. Si... Parce que l'art français est peut-être la graphique à chaque fois. Tu tends le dessin et enfin, vous regardez tous les deux le dessin avec Catherine, c'est ça? Bah, je lui laisse regarder, à part si ça fait... Oui, bah, si ça fait perdre la santé mentale. Non, ça va, je suis fort en beaux-arts. Non, je laisse Catherine le regarder. Et on dit Catherine, je vous prie. Catherine. Et bien avec un R. Alors, ce qui se passe, Catherine. C'est que au moment beaux-arts. où Peter, tu poses tes yeux sur ce dessin. Hein. Je vois pas. Non, je... Il y a quelque chose qui te gêne, qui te trouble. De par les lignes de l'architecture de l'édifice. Donc tu te plonges un peu plus dedans, et plus ça va, et plus tu trouves que c'est insensé en fait. Ça n'a pas de sens. C'est celui qui a fait. C'est non-euclidien. C'est pas possible quoi. Il y a un truc qui va pas. Du coup, tu tends ça à Catherine qui elle aussi regarde et de la même manière, vous trouvez ça complètement fou. Enfin, dire, ça n'a pas de sens comment s'est fait le bâtiment. Donc, du coup, nous allons faire maintenant le premier jet de SAN de l'année. C'est quand même fou, Cthulhu, c'est le seul jeu où quand tu réussis un jet, bah ça te fait du mal. C'est vraiment c'est exactement ce que j'étais en train de penser, c'est magnifique. Parce que t'as réussi un jet, tu te fais du mal. Et juste pour me faire du mal. Non, mais c'est toi qui t'as fait. Non, moi j'ai rien vu. Putain, je vais tellement devenir fou. Bah, c'est parfait, sérieux, hein. Je tape. Allez, ciao. Non, mais c'est insupportable ça. Je vais avoir un meilleur ami pour lui dire qu'est-ce que tu fais ce week-end là, parce que là. Moi je suis content hein, de lire mon journal. Hé hey, Emilio, viens voir. On a besoin de toi. Viens voir votre langue. Catherine. Je trouve que c'est vachement bizarre, tu trouves pas? Regarde. Catherine, tu vas perdre un point de ça. Ah, oh, ça va. Oh, c'est méchant. Bah non, ça va. Un point c'est égal à 10, hein, mais bon. Quoi, c'est égal à 10? Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu dis? Ok, parfait. Moi, je perds rien. Vous avez regardé, malheureusement pour vous, l'adresse de la villa n'est pas mentionnée. Mais voilà, je pense que Rémi vous dit que si vous emportez tous ces documents à la mairie, je pense qu'ils auront quand même moyen de retomber un peu. T'arrives devant le maire, hein. Vous connaissez cette bâtisse et tu lui montres le truc, le mec il est complètement fou à la fin. Plus on est fou, plus on rit. Hein. Donc effectivement, vous avez quand même récupéré des informations qui pourraient être plutôt pas mal pour la suite de votre truc. Donc. Vous rentrez à la maison. Chacun de. Enfin, chacun. Dans vos appartements respectifs. Et du coup, le lendemain, vous décidez du coup d'aller à Poissy. Vous allez à la gare. Et prenez le train. La journée est pas terrible. Honnêtement, il fait pas très très beau. Il pleut pas encore, mais ça va pas tarder. Et ben, je prends un jambon beurre pour mon voyage dans le train. Okay. Et un très bon pain, un jambon beurre SNCF. Ah oui. Vous savez que ça va vous prendre parisienne. Une bonne heure, enfin une heure pour faire les 20 km. Voilà, on n'est pas dans un RER. Le RER B. Ça va un peu plus lentement. On est au charbon ou au diesel, hein. Donc, une heure après, vous voilà dans la ville de Poissy. Une splendide bourgade. Voilà, donc nous sommes le 18 janvier. C'est pas drôle. C'est vrai, c'est une bourgade avec sa rivière qu'on appelle la Seine. Et je parie si on y met le nez dedans, on a la polio, ou voire pire. Voilà, donc vous voici à... C'était déjà le cas en 1923 à la gare de Poissy. Qui est celle-là. Donc pour les gens qui ne voient pas forcément ce que je viens de leur donner, c'est une gare. C'est une gare. des années 20 avec. Non mais j'ai l'impression de voir la même. J'ai l'impression de voir la gare de chez moi, donc bon. Oui, non, c'est une gare. Avec du train. Bon, à part qu'il y a un mec qui est sur la voie là, on le voit là, il y a un mec sur la voie là. Ben oui, mais chez nous, on passe sur la voie. La vitesse des trains n'était pas la même, donc tu pouvais quasiment monter pendant que le train avançait, tu vois. Donc on était quand même loin de. Ouais. Puis on remarque. Faire tout le à côté du train, t'allais aussi vite. Hein. Ah ouais. Oui. On pouvait faire ton jogging à côté du train. Je pense qu'au début, ouais, tu pouvais, ouais. Je pense. Il y avait moyen. Oui, puis on. 88 miles à l'heure, les gars. Il y avait moyen de. Ouais. Et combien de gigawatts? 2,21 ou 31? Non. Non. Je sais plus. Non. Bon. Alors, très jolie gare, du moins. Ouais, fou. C'est donc beau Paris. Donc, Poissy se trouve à 28 km exactement à l'ouest de Paris. C'est précis. Voilà. Donc, vous êtes parti de la gare Saint-Lazare. Et quand vous arrivez à la gare, vous passez en fait devant des forêts, des petites forêts où vous voyez des animaux qui passent de temps en temps. Enfin là, on est loin de la vie parisienne actuelle. Vous pouvez traverser des petits villages, des petites villes de banlieue. Et vous arrivez dans une ville qui est en soi plutôt un peu bourgeoise, aisée. Le Versailles de l'Ouest, comme on l'appelle. Et vous, qu'est-ce que vous faites quand vous arrivez là-bas? La mairie. D'accord. Qui d'autre? Enfin, les autres, vous avez d'autres idées? On peut fouiller un peu les environs pour voir une ruine de manoir, mais je pense que. Bon, vous voyez qu'il y a pas mal d'activités quand même, malgré tout. On laisse Catherine parler. Ça vous fait un petit peu. Toi, ça te fait un petit peu penser, Peter, par moment, aux villes américaines du Far West. Le côté un peu. Américaine du Far West. Saint-Denis. Entouré par la forêt. Tu vois. Des maisons à trois étages. Certaines récentes, d'autres datant du Moyen-Âge. La devanture d'une épicerie. Ouais, ça fait penser au Far West. Une des épiceries proclame qu'elle existe depuis 1420 Vous voyez des patrouilles de gendarmes à cheval, et des charrettes, la marée chaussée, quelques voitures. Et il y a aussi une ligne de tram qui relie Poissy à la ville de Saint-Germain-en-Laye. Waouh, c'est le futur là-bas. Quoi ? Comment ils ont les fonds pour avoir une ligne de tram ? C'est l'ancêtre de le voile ou quoi le... Ça se faisait beaucoup le tramway à fêter des époques. Il y avait beaucoup de tramways. Ah bon, c'est des tramways sans rail. Ah. Si, il y avait du rail quand même. Oui, non, mais là, c'est des tramways sans rail. Ouais, bah voilà. J'allais dire une connerie, mais je me retiens. Donc, vous vous dirigez vers la mairie. Vous voyez que c'est un bâtiment à deux étages. Est-ce que j'ai... Ah, c'est pas celui qu'on cherche. Est-ce que j'ai la mairie quelque part? Non, j'ai même pas la mairie dans mes photos. C'est super. C'est pas grave. Donc c'est un bâtiment à deux étages dont le porche d'entrée est flanqué de quelques colonnades. Donc vous avez la chance... d'avoir malgré tout Catherine qui parle le français, puisque vous avez laissé Rémi finir de on l'a laissé sans famille. Voilà, vous l'avez laissé sans famille, exactement. Moi, bon, je vais attendre un tout petit peu que les deux autres arrivent. Il va chercher des il va continuer à chercher des informations sur de susceptibles successeurs au titre de propriété. J'ai mon nez qui se bouge de plus en plus, c'est horrible. Coupe ton micro, prends ton temps pour te moucher, parce que je sais que c'est horrible. Non, mais ça changera rien en fait. C'est le truc où tu te mouches, mais quoi qu'il se passe, ton nez est toujours mouché. C'est mouché. Donc, Suppo et Dodo. C'est ça. Oh, le petit verre de rhum. Et je me lève tout à l'heure. Je me lève à 5h du matin. Ah ouais? Allez, moi je suis un ouf. Je suis comme ça. Après, il va dire c'est un warrior. Il va tomber malade. Chérie, je suis malade déjà donc. Voilà. C'est ça le warrior. Par contre, traîne pas trop. Il hein. y a des gens qui attendent. Hein. Au pire, fais grève. Hein. Les gens du live, dites votre mécontentement à Xen qui met trop de au temps. Au pire, révolution. Moi je dis, c'est scandaleux. Vous lui dites juste que Camilo est mieux que Peter et puis il va de vert. On va s'arrêter dans pas trop longtemps, hein, 3 quarts d'heure, qui okay. Après, au besoin, on peut s'arrêter un peu en avance si t'as besoin de gratter un quart d'heure ou deux, parce qu'on n'est pas non plus en pleine action, donc tu peux te permettre. Alors d'un coup, vous voyez. Toulou, allez. T'as compris un peu trop, terminer trop plus vite, parce que tu te dis, je vais terminer la campagne. Allez hop, Toulou. Toulou arrive et vous tue. D'un regard. Voilà. Il tue vos trois personnages. Je peux faire un jet, si je fais un 1, je le tue. Vas-y, fais un 1, on rigole. Fais le 1. Vas-y, tue Toulou. Vas-y. Allez, fais le 1. Oui, je vais faire le 1. Allez, tout le 1, là, j'attends le 1. Allez. Attendez, je prends mon arme. Tu peux pas faire un D1. Ok, super, ouais, 86, t'es mort. Bon, qu'est-ce qui s'est passé? Non, bah, en fait, j'ai dit à Gossel qu'il pouvait terminer plus tôt, mais du coup, il a fait venir Cthulhu pour mettre fin à la session. Et si on fait un. J'essaie de le tuer là, et je parie. Il a essayé de tuer Cthulhu, il fallait qu'il fasse un 1, il a fait 86. Oui, j'aurais pu lancer un D4 en plus pour essayer de. Donc, vous avez de la chance malgré tout, puisque vous avez quand même laissé Rémi le français dans ses bouquins, mais vous avez Catherine qui parle un français tout à fait correct. Mais qui ne sait pas le lire. Donc je vous laisse. Allez-y. Si, c'est le vieux François surtout. Qu'est-ce que vous faites? On va avoir une petite vieille, on lui demande le. Vous êtes devant la bibliothèque. Devant la bibliothèque. Hein, je peux être. Ah ben. Bah aussi grand, on rentre à l'intérieur. Bah ouais, on essaie de frapper à la porte. On va à l'accueil. Bah, généralement une mairie c'est ouvert. Hein. Les mairies de campagne non. C'est ouvert. Oui, mais si. Alors déjà, j'ai vécu longtemps à la campagne. Moi, ma mairie était ouverte. Vous m'excuserez. Ça dépend de ce que t'appelles la campagne. La campagne. Allons-y là. Oui, bon, je n'étais pas dans le cercle de vide. Donc, attention, j'ai dit qu'on faisait moins de metagame, maintenant il faut qu'on fasse plus de roleplay. C'est vrai. Mais on rentre dedans et moi je cherche qui gère l'accueil. Hein. Est-ce que je peux avoir un petit visu de cette personne? Oui, tu vois une femme à l'entrée, une petite rondouillette bien sympathique qui est dans ses paperasses. Et bonjour, que puis-je pour vous? Ouf. Vous ne seriez pas... Non, c'est pas vous. Évidemment. C'est vous? Catherine? Oui, bien sûr, bien sûr. Catherine Lamberston? Je pensais qu'il y a parlé de moi. Ravi de faire votre connaissance, mais que vaut l'honneur de votre présence parmi nous? Je suis en visite historique pour m'inspirer pour une nouvelle collection et je tréfouille un peu des questions historiques, des sources, etc. Et c'est ma raison d'ailleurs de ma venue ici. Qu'est-ce qu'on cherche déjà? Excusez-moi. Je ne sais pas. Ça vous doit Le dire. Très bien. La maison de Fénélic. Oui, mais... Mais ça, on sait où c'est. C'était pas ça qu'on cherchait. Enfin, la mairie, on n'y va pas pour chercher la maison. Si, c'est pour ça. Si, pour savoir où elle se trouve, en fait. Vous ne savez pas ce que vous voulez, madame Catherine. Vous êtes fatiguée, je pense. Non, mais excusez-moi. J'étais sûr d'avoir des trucs à demander, mais j'ai... en fait, non. C'est moi qui me dis un truc. Ah, je pense que oui. Il vous faut un peu de repos. Ça vous fera du bien. Oui, non, je viens de passer une semaine à la bibliothèque, vous savez pas. Ouh, le cerveau. Je peux comprendre. Oh, effectivement, du coup, je cherche juste à savoir où se situe la demeure de l'ancien comte Fénélic. Voilà, vous auriez peut-être des documents pour m'aider un petit peu dans mes recherches, parce que moi, ce monsieur Fénélic, je ne le connais pas du tout. Alors, il s'écrit comme ça. Nous avons plein de documents, et je lui présente toutes les pièces qu'on avait récupérées sur Poissy, sur le lieu, sur le... Et le plan. Eh bien, écoutez, non, tu lui donnes pas le plan. Et le plan devient folle. ça marche. Vous voyez qu'elle prend les documents et le plan. Oh merde. Elle dit, mais écoutez, je vais voir ça avec mon collègue derrière et puis repasser d'ici une heure. Je pense que nous aurons... j'espère que nous aurons... ce que vous recherchez. Très bien. Donc, mais rendu un café, un endroit où voilà, c'est exactement la question que j'ai posée. Vous avez quels sont les points d'intérêt en ville qu'on pourrait s'occuper pendant une heure? Bien, vous avez l'abbaye, de Poissy qui est fameux. Ça a été brasserie du coin. La ville natale, vous savez, du roi Louis IX, qui était appelé aussi Saint-Louis, qui était un monarque réputé pour son équité. Malheureusement, il est mort du choléra en 1270, durant la 8e croisade. Et du coup, la collégiale Notre-Dame de Poissy, une église grandiose, se dresse... à distance de marche de la gare, si vous voulez y aller. Je demande à Kathleen, c'est pas... Constantinople n'est pas sur le trajet, justement. Et on sait que la statuette de Sevescar venait de Constantinople. Est-ce que ce serait croisé qu'il l'aurait ramené jusqu'ici, juste par hasard? Il est mort en chemin, il n'est pas vraiment revenu. Ouais, tu as raison. Après, il n'est pas parti tout seul, hein. Ça, c'est sûr. Le roi est pas parti tout seul. Peut-être qu'il y avait un Fénélic avec lui. Tu vois. Fénélic, ça peut être qu'il y a un Fénélic qui était. Mais vous me parlez de... Quelle date exactement? Parce que Saint-Louis, c'est pas en 1789. Hein. Ah non, du tout. Vous parlez anglais, mec? Yes, a little bit. Parce que yes. Là, on parle anglais, en fait. On parle anglais. Je suis désolé, I'm sorry, I don't speak English. I'm very sorry. Vous devriez, c'est une jolie langue. J'aime un peu beaucoup la cuisine. Très très c'est bien. C'est ça, non la cuisine, très bien. Oui. Vous devez goûter notre bœuf bourguignon. Magnifique. Bourguignon. Si. Je veux wine in my case de taffé. Bon, arrêtez donc. J'arrête. Outre l'abbaye. Massacre. Les autres points. Vous avez toujours la place de Poissy avec ses différents commerces. Vous avez après vous savez nous ne sommes pas une très grande ville non plus mais je pense que l'intérêt principal de la ville est l'abbaye de Poissy. Très bien. Hein. Je voulais juste m'assurer de ne pas rater un événement essentiel en ville. Bah, très bien. Merci de vos conseils et on repasse d'ici très vite. Et bien sûr, j'essaierai d'améliorer mon anglais. Je suis désolé parce que je parle pas très bien l'anglais. Hein. I don't speak English very well. Concentrez-vous surtout sur notre demande. Oui, je vais servir, me concentrer là-dessus. Revenez d'ici une heure. Allez voir l'abbaye justement. Profitez. Y a pas de souci. Vous verrez, il a un peu retracé la mort horrible, hein, le calvaire qu'il a été pour lui de rentrer et même sa mort. Une fois mort, son corps a subi des atrocités. C'est vous verrez tout ça à l'abbaye, si vous allez voir. Enfin bref, voilà. À tout à l'heure. Nous, on sort. Bah, on va à l'abbaye. Hein. Vous allez à l'abbaye. Vous voyez que c'est un voir, magnifique... Sinon, je peux lire votre avenir. Hein. Tant qu'à faire pendant une heure. Voilà, vous voyez donc l'abbaye de Poissy que je vais vous envoyer. Malheureusement, pour les gens qui sont avec nous, vous ne le verrez pas. Voilà. C'est un château. Il y a quelqu'un là sur la photo. C'est un châtelet. C'est plus un châtelet qu'un château. Je pense. Ah oui, c'est un spectre. C'est quelqu'un qui nous regarde. Ouais, voilà. C'est 8 pixels. En fait, il y a 8 pixels qui ressemblent à un visage. Non, mais il y a clairement quelqu'un. Alors, on va pas se mentir, normalement, l'appareil photo il reste à peu près une demi-heure devant la scène, je pense que. Qui est collé à l'abbaye, vous avez Notre-Dame de Poissy. Ah, une belle église. Magnifique. Voilà. Ouais. Un peu classique, mais. Si vous voulez une description, il y a un fabuleux beffroi sur lequel est surmontée une horloge qui a l'air de pointer les bonnes heures. Voilà. Et voilà. Tout à fait. Et d'ailleurs, il a l'air de manger. À vrai dire, nous sommes son architecture, certes classique, mais efficace. Alors, il se fait 11h à peu près, hein. Donc là, le repas n'est pas forcément tout de suite. Hein. Donc, est-ce que vous prenez le temps de vous rendre à l'abbaye et à l'église Notre-Dame de Poissy? Ou pas du tout? Je vais à l'abbaye. À l'abbaye, ouais. Du coup, quand vous y allez, vous voyez des panneaux. Qui explique un peu la mort de Louis IX et tout ce périple que les gens, enfin que ces hommes ont connu pour ramener son corps des croisades. Et c'est un incident plutôt macabre, devrais-je dire. Disons que le corps du roi était dans un tel état lors de sa mort qu'il fut décidé de l'éviscérer et de l'embaumer sommairement afin de préserver le cadavre jusqu'à son arrivée en France. Pour éviter la putréfaction, on lui retira les entrailles avant de le démembrer. Les morceaux furent alors bouillis dans de grandes cuves d'eau et de vin épicé pour séparer la chair des os. Ces derniers entamèrent le dangereux chemin du retour. Les entrailles donc furent séparées avec une technique qui s'appelle la dilaceratio corporis et offertes à un monastère de Sicile en cours de route. Avant d'être rapatrié à Paris, une fois le roi canonisé par l'église en 1306. Un gardien inventif trouvera certainement des moyens étranges et étonnants de faire miroiter cette... Voilà. C'est... Ils auraient pu peut-être faire des saletés avec, mais... Voilà la mort... Je pense que la dernière partie ne devait pas être lue. Je me suis Non, t'as l'air un peu loin, je pense. J'ai fait... Ah merde. Voilà. Enfin, ce sont... Voilà, tout ça, c'est... Voilà, maintenant je me suis fait griller. Quoi qu'il en soit... Ça transpire. C'était le petit moment historique. Vous savez comment ils ont rapatrié le monsieur Louis IX, des croisades, de la 8e croisade, en plusieurs morceaux. Et du coup, il y a son caveau, j'imagine. Bah, il enterre avec les autres rois, j'imagine. Ouais, avec les autres rois. C'est pas... Avec les autres rois, pas à Poissy. Je sais pas s'il est enterré à Poissy. Enfin, il est pas... En fait, Louis IX est né à Poissy. Il est natal de Poissy. Mais il est pas enterré à Poissy. D'accord, c'était pour savoir. Normalement, c'est ici qu'il a été démembré. Et... Vu que je dois avoir des connaissances quand même sommaires en latin, j'aurais bien voulu... Il a été démembré quand il était dans le... En voyage. En campagne, voilà, pendant les croisades. En voyage. Ah. Ils ont fait tout ça avant de partir. Ok, c'est à Saint-Denis où ils sont tous enterrés. Oui, voilà, c'est ça. Oui, quoi qu'il en soit, le temps que vous fassiez tout ça, il s'est passé une heure. Et vous revenez donc à la mairie. Vous voyez qu'elle vous dit que effectivement, ils ont trouvé des documents. Par contre, il y a énormément de choses qui sont utiles et pas utiles. Du coup, comme ils ont quand même d'autres choses à faire, on va trier leur place. Du coup, ils vous disent allez-y, on vous laisse l'accès aux archives. Et. Voilà, essayez de vous débrouiller pour trouver ce dont vous avez besoin. Est-ce que, avant de faire ça, est-ce que vous prenez le temps de manger? Oui. Oui, un bon jour. Oui, restaurant, j'ai faim. Voilà, vous avez la petite madame qui vous conseille... Moi, je demande un bain pour Guignon. Voilà, elle vous conseille justement le restaurant qui est sur la place de Poissy. Bon petit restaurant du coin. Vous mangez extrêmement bien. Nelson est plutôt content de son repas et surtout des alcools du coin et du vin qu'il a bu. Une heure plus tard, vous sortez de table et vous attelez à tout ça. Ça va vous prendre quelques heures, bien 3 heures, pour trouver exactement la localisation du manoir, de la villa de ce comte Fénalic. Il serait placé sur le terrain, puisque évidemment la villa n'existe plus, elle a été détruite avec le temps. Il resterait quelques ruines, mais une maison a été reconstruite sur les ruines de cette ville-là. Et la maison appartiendrait au docteur Christian et Madame Laurien. Enfin, voilà. La famille Laurien. Voilà, je vais aller un peu vite. C'est le loup Laurien. L-O-R-I-E-N. Laurien. Qui habite 6 enclos de l'abbaye Poissy. Vous n'étiez pas si loin quand vous êtes allé voir l'abbaye. On était juste au 8. Triste. Juste à côté. Alors, allons-y. Donc vous dirigez vers là-bas. Et après un petit temps de marche, vous arrivez devant la demeure de la famille Laurien. Catherine, je vous en prie. Dans Jean-Paul, il y avait la présence d'un seigneur secret. Alors vous voyez hein, cette magnifique maison bourgeoise. Ah, donc vous remarquez quand même que ouais, c'est pas donné à tout le monde d'avoir ce genre de baraque. Ça semble correspondre aux descriptions qu'on avait pu lire pour l'instant. Non, pas du tout. En fait, à savoir que la villa a été détruite, donc elle n'existe plus, et que cette maison a été reconstruite sur dessus. Les ruines de la villa de Fenalik. Et du coup, si l'océan n'a pas été trouvé, il y a forte chance qu'il soit intact. C'est possible. Est-ce que on se fait pas... fait Il faut qu'on en parle, parce qu'on va pas toquer comme ça chez des gens. Est-ce qu'on se fait pas passer en tant qu'anglais, pour des personnes pas intéressées, mais juste pour visiter, voir le lieu, pour une raison X ou Y qu'il faudra inventer. Et tu vois, lui demander de nous faire le tour des pièces et voir s'il n'y aurait pas un passage vers ce cellier secret, normalement. Ce cellier qui reste caché. Alors, deux choses d'une. Est-ce qu'on a récupéré les documents, genre le plan, tout ça? Oui. Ok. Parce que du coup, il faudra peut-être revoir le plan, malgré le fait qu'il fait très mal à la tête. Voir vers où se situait ce lien secret, histoire de qu'on n'aille pas chercher à l'opposé. Ça peut déjà nous aiguiller, tu vois, sur la situation. Et sinon, ouais. Après, ça peut être. C'est quand même assez bizarre de toquer chez les gens et dire bonjour, on veut visiter. C'est quand même leur vie, tu vois, c'est quand même leur maison. Faut trouver. Après, vous pouvez toujours dire la vérité. Hein. Bonjour, alors en fait on est en recherche occulte, laissez-moi tout vous expliquer depuis le début. Non, pas forcément occulte, mais je veux dire que voilà, vous cherchez des informations sur... sur les ruines. Des recherches historiques, hein. Voilà, des recherches historiques, tout à fait. Et alors, bon, moi j'aurais pas confiance parce qu'après les gens ils vont venir, ils vont appeler le patrimoine et tout, mais... C'est... Bah, qu'ils appellent la bibliothèque, hein. Ouais, non, mais je sais pas. Je sais pas. Tu sais ton italien en disant si, je m'attendais à l'accent, les gestes et tout, là. Dans tous les cas, on est d'accord qu'il va falloir faire une demande chelou pour rentrer chez eux, donc. Laquelle qu'on prend, est-ce qu'on dit la vérité ou est-ce qu'on se fait passer pour des gens très curieux? Bon, il y en a pas une qui m'a l'air meilleure que l'autre, donc. Sinon, tu peux dire que toi, tu fais des recherches sur. Pour ta nouvelle ligne de vêtements et qu'on t'a conseillé de. Peut-être elle est un peu dans l'art occulte et tu pourrais faire tu vois, un style, genre dire qu'il y a quelque chose dans le bâtiment, peut-être un esprit ou quelque chose que ce soit. Tu vois. Peut-être essaye de jouer cette carte-là. Faut voir qui... En vrai, on devrait se renseigner sur les voisins pour savoir qui sont ces gens. Quoi. Je commençais à me dire la même chose. On peut se renseigner quand même sur qui habite là. Ça prend deux secondes, on est dans un village. On va au 6, pas au 7. Non mais ouais, les gens, ils... On va au 7 et au 8, en fait. Les gens, ils se connaissent, ils se connaissent tous, tu vois. En même temps. Et si jamais il y a une pointe d'occulte, tu vois, je sais pas, la personne y croit, bon, déjà, je peux tirer les cartes pendant que vous allez chercher le cellier pour faire discret, tu vois. Il y a tellement plus de possibilités. Donc, ouais, finalement, j'aimerais aller voir des citoyens. Écoutez, habitants de ce village. Vous allez à côté. Vous voyez qu'il y a. Un monsieur qui est en train de faire son jardin dans la maison à côté. Je vous laisse vous parler. Bonjour. Ah. Bonjour. Bonjour. Excusez-moi de vous déranger, mais je suis en visite dans ce village et je ne connais pas très bien le coin. J'ai déjà visité l'abbaye et je comptais continuer un peu visite. Vous pouvez me parler un peu de votre cher voisin, j'indique la maison de la main. Ah, la famille Lorien. Oui, voilà. Des gens très très bien. Bon, monsieur Lorien, Christian de son prénom, est docteur, très très bon docteur. C'est d'ailleurs le docteur de famille, hein, pour ma part. Personne tout à fait respectable. Enfin, là, sa femme est une vraie cordon bleu et leur petite fille Kittery, sa fille leur fille est adorable, quoique elle aime faire des petites bêtises, mais bon, c'est son âge, hein, elle est jeune, hein, voilà. Bon, après, je sais que Véronique, sa femme, a des soucis de santé un peu en ce moment. Ça fait pas trop d'où ça vient, mais... Mais c'est la seule chose, mais c'est des gens très très bien. Hein. Oui. Pourquoi tout... Pourquoi vous oh, que, comme je vous l'ai dit, je suis de visite et bon, vous me connaissez sûrement. Je suis styliste de métier et je suis accompagné d'un acteur et ensemble, vous le connaissez d'ailleurs sûrement, je n'ai pas besoin de faire la présentation. Et à vrai dire, ensemble, nous construisons un peu, on essaye de rénover un peu à la fois l'art du cinéma et du style et nous rencontrons des gens pour un projet. Vous entendrez parler. Bien assez rapidement, je pense. D'accord. Et écoutez, je sais pas, vous avez d'autres questions ? Oh non, c'est déjà bien aimable de votre part. Je me renseignais juste un peu sur le voisinage. Bah écoutez, pas de soucis. Si vous voulez d'autres, si vous avez d'autres questions sur d'autres voisins. N'hésitez pas, bah... j'essaierai de renseigner au mieux. Le voisin délateur, avec plaisir. Lui, il a fait ça. Ce serait pas bête. Catherine, c'est pas bête ce que tu as dit si on se faisait passer pour des personnes qui rechercheraient par exemple un lieu de tournage. Ah, c'est intéressant ça. Parce que là, on collera un peu plus et peut-être contre une bonne somme, peut-être utiliser sa maison pour quelques prises. Et du coup, peut-être pour payer les soins de sa femme, un truc comme ça. Bref, à négocier. C'est une bonne idée, ouais. On dira que c'est un film un peu nouveau genre anglais chez des étrangers français. Et que le lieu était très propice à ça. Les mythopitons. Mythopitons. Ouais, je prends le nom. En plus... Je suis sûr que c'est un nom qui peut marcher, qui a peut-être un espoir dans... Bien que je méprise hautement le cinéma, je pense que c'est un nom qui peut marcher. Allons-y, allons toquer. Allons-y. Ok. Maintenant qu'on a plus d'infos, déjà, on sait qu'ils sont trois, on sait qu'il y en a une qui est malade et tout, mais cordon bleu. Je suis le producteur. Ok. vous frappez à la porte. Mais tu ne parles pas. Parce que... le père, donc Christian... Lauriane. Rappelle père. Ouvre la porte. Bonjour. Que puis-je pour vous ? Bonjour. Vous êtes bien la famille Laurier, c'est bien cela ? Laurien, oui. Laurien, pardon. Excusez-moi. Je suis anglaise. C'est pour ça un peu du mal des fois. Autorisez-vous à rentrer quelques instants. Nous aimerons tenir une discussion avec vous. Of course. I do speak English. Ah, super! Ah, ça va avantager mes magnifique. Amis. Magnifique! On rentre avec lui. Dites-moi tout. Et vous voyez, du coup, il y a la petite qui commence à arriver. Genre, elle est super curieuse, elle traîne dans les pattes de son père. Tu vois, elle est là, elle vous regarde. Elle te regarde, toi, tu es super bien habillé. Genre, elle est waouh! J'ai un beau visage. Ouais, pour l'instant, elle regarde que Catherine. Elle est super belle et tout. Ouais. Tu as des petits en charme, regardes, c'est normal. Il veut se faire une enfant, lui. Mais non. Eh bien, monsieur, on vous contacte aujourd'hui simplement parce que nous sommes actuellement des artistes. Alors, vous me connaissez peut-être, sûrement plus votre femme. Je suis Catherine Lamberson, je suis une styliste de renommée. Tout à fait. Je ne vous avais pas reconnu. Effectivement. Écoute, je suis honoré de vous avoir chez moi. Mais que puis-je faire pour vous aider Eh bien, avec moi, je suis accompagné d'un acteur dont vous avez dû déjà au moins entendre le nom, Peter T. Franklin. Et les deux autres hommes font partie de notre équipe technique, dont notre producteur, du nom d'Emilio, et un assistant décorateur pour notre cher monsieur. Aussi, en l'occurrence, entre guillemets, des petits guillemets. Bien sûr. Tout ça, notre ami Nelson. D'accord. Bref, toute notre équipe est très en fait intéressée par votre maison et on aimerait savoir si peut-être il serait possible qu'on puisse y faire un repérage pour peut-être tourner un film, hein, puisque nous sommes actuellement en association tous les quatre pour créer une véritable œuvre importante pour le cinéma qui, vous le savez, aujourd'hui un peu du mal, hein, vraiment à vraiment attirer, à créer des œuvres fortes. Et on aimerait, ouais, on y croit, on a envie de créer cela et une œuvre on aimerait culturelle. Voilà, quelque chose qui est franco-anglais. Et votre site, vous le savez peut-être, mais déjà très chargé culturellement, il a été ancienne demeure de comte, etc. Et on aimerait savoir si vous autorisez. Oui, il y a fort longtemps. Je ne savais pas pouvez... cela. Vous savez de qui était ce comte? Ah non, désolé, j'ai oublié le nom, c'était pas nos recherches. Si vous voulez, on vous recontactera. J'aurais été fort intéressé par ça, je suis un petit peu féroce d'histoire et j'avoue que il va falloir que je me renseigne là-dessus parce que ce serait quand même plutôt passionnant de peut-être trouver des choses dans ma maison par rapport à ce conte. Je ne sais pas, c'est dommage que vous n'ayez pas pu avoir plus d'informations. Bon, j'essaierai de me renseigner par moi-même. Oui. Enfin, pour être honnête, nous avons eu déjà beaucoup de difficultés. Nous ne sommes pas sûrs à 100% de nos propos, mais malgré tout, votre demeure est très jolie. Elle est bien située. En plus de ça, Poissy est une ville magnifique avec un gros patrimoine. Et voilà, on aimerait savoir si c'était possible d'envisager peut-être tourner un film ici, donc pouvoir peut-être la visiter sans, bien entendu, rentrer dans votre vie intime. Non, alors, mais si vous sûr, nous interdissez d'aller à un endroit ou un autre, Bien sûr, monsieur, il y aura rémunération. Hein. Oui, bien sûr. Excusez-moi. Et bien entendu qu'il y a rémunération et que chaque jour passé ici, bien que je parle pour le tournage, et chaque heure passée ici pour le repérage, vous sera bien entendu rémunéré. Bien évidemment. Mais écoutez, je dois quand même en parler avec ma femme. Du coup, il commence à l'appeler. Vous voyez qu'elle descend. Vous voyez que... voilà, elle arrive, elle vous salue. elle te reconnaît tout de suite, d'ailleurs. Ah, Catherine Amberston, mais... Ouais, c'est fantastique de vous voir ici. Je suis enchanté de vous rencontrer. Oh. Tout de même, tout de même. Du coup, oui, et donc son mari lui explique... écoutez, est-ce que ça te va? Ils prennent une petite discussion un petit peu pendant 5 minutes à l'écart de vous et ils disent, bah, écoutez, pourquoi pas? Mais que comptez-vous faire exactement? Vous avez besoin de faire quoi là? On va juste citer les pièces et avec notre producteur, on va s'imprégner de l'espace pour, disons, nous projeter dans le film, n'est-ce pas, Emilio? Oui, voir l'espace scénique, comment l'utiliser, où mettre l'équipe de tournage pour les différents plans, et voir si ça nous inspirerait pas pour de nouvelles scènes d'ailleurs aussi. D'accord. Voilà. Pour l'instant, nous sommes à la phase de repérage, et c'est pour cela qu'on a juste besoin de visiter. Si jamais nous validons, nous vous recontacterons, redemanderons du coup toutes les autorisations nécessaires pour les autres étapes. D'accord. Ceci dit, auriez-vous une torche pour les coins sombres, histoire de tester les lumières? Une lampe, tout simplement, pour essayer. Oui, c'est notre ami, il gère tout ce qui est décoration, cadre, lumière. Fin... Ah, bah, en fait, je gère tout. Oui, malheureusement, nous sommes une équipe pas si riche que ça. Donc, on prend des gens qui font plusieurs rôles. Hein. C'est-à-dire que mon salaire vaut déjà beaucoup. Écoutez... oui, je peux essayer tout à fait de trouver des lampes torches, Sophia. Oui. C'est très gentil, très sympathique de votre part. Pouvons-nous commencer la visite par le rez-de-chaussée? Oui, de toute façon, nous n'avons pas de sous-sol. Ah. Donc c'est uniquement l'étage. Donc voilà, y a-t-il un puits dans votre... Pardon ? Y a-t-il un puits dans votre jardin ou dans votre cour ? Non, pas... Oui, voilà. Un puits. Que se passe-t-il ? Des démons attaquent. C'était quoi la question sur ce puits? Arrête, on annule. Il y a des tentacules dans le puits. Si vous avez un puits. Non, je n'ai pas de puits. On n'a pas de ça ici. Donc là, il vous fait la visite du rez-de-chaussée. Bon, voilà, il vous explique un petit peu. Oui, effectivement, la maison a été construite sur des ruines, mais je ne savais pas que c'était les ruines d'un château. D'une villa. C'est vous qui avez fait construire la maison ? Non, elle était déjà construite quand nous l'avons achetée. D'accord. Je chuchote à Peter qu'il ne faut pas montrer les plans à tout le monde. Non, mais je montre pas le plan, t'en fais pas. Voilà, c'est surtout que là, on va aller de pièce en pièce. Et j'essaie de regarder où pourrait se trouver ce cellier secret. Et si on est à peu près dans la bonne pièce, Oui, c'était ce que j'avais dit de faire. Et puis ensuite, tu vois, je vais faire semblant avec Emilio de faire semblant de prendre la pause. Mais en fait, on va trouver l'interrupteur secret ou la trappe secrète pour aller. Je vais faire un test d'intelligence, s'il te plaît. comme moi, j'avais déjà vu le plan. Est-ce que je peux l'aider à regarder ça ou. Parce que je l'avais déjà vu. Il a la réponse. Toi. En vrai, j'ai même pas vu, mais je suis pas con. Hein. Bah non, t'es pas con. Bah écoute, au regard du plan, tu fais un petit peu le gars qui regarde le plan et en même temps regarde un peu la pièce pour situer l'espace et tout ça, tu vois. Tu te rends compte que quand tu regardes le plan. Et que tu compares avec le plan de ce que t'avais toi de la villa, a priori le cellier ne serait pas dans la maison, mais à l'extérieur de la maison. Question par rapport à ce qu'on a vu, mais du coup on a la maison. Est-ce que genre ils ont un jardin qui est clôturé un peu en mode et en fait le cellier c'est clôturé en mode anglais ou c'est jardin ouvert qui donne sur les autres maisons et c'est pas non non c'est tu vois fermé ce que je veux dire c'est fermé ils ont des engins voilà mais tu te rends compte que au vu de ce que tu vois le cellier serait plus dans le jardin et pas dans la maison. Je fais part de ça à Catherine à Catherine oui. Et lui dire peut-être qu'on visite un peu le jardin pour voir un peu plus le cadre extérieur. Bah, très bien, je demande l'autorisation, enfin rapidement, sans rapidité, parce que je suppose qu'il est là, l'homme. Oui, bah allons-y, je vous montre le jardin. Bon, tu vois que... Je demande si ça le dérange qu'on fume. Non. Bah, d'ailleurs, lui, il s'allume un cigare. La grosse pipe. Du coup, il vous dit non, on peut aller dans le jardin, il n'y a pas de souci. Bon, vous voyez qu'il commence à se faire à peu près 16h. On est en hiver, donc la lumière commence un peu à décliner un petit peu quand même. Et donc il se fait 16h, la lumière commence un peu à décliner. Et vous rendez donc dans le jardin. Vous allez tous me faire un jet de tox. Ah oui. Là, je suis vraiment très bon. Moi aussi, ce que je me suis amélioré. Ah oh, mais arrête tes succès toi. À un moment donné, partage quoi. Au bout d'un moment. Non mais moi je me suis fait à l'idée de rien réussir. Catherine et Peter ils sont massacrés. Nous on toque. Peter c'est. Vous tournez un petit peu dans le jardin. Vous feignez de regarder un peu les arbres, regarder les distances, genre comme ça. Ouais. Oh l'éclairage, ça peut être bien comme ça. On est bien exposé. Et en même temps, vous regardez au sol. Essayez de voir des structures qui pourraient peut-être vous laisser penser qu'il y aurait quelque chose ici ou là, tu vois. Et à un moment donné, Peter et Catherine, vous rejoignez parce qu'il y a quelque chose qui vous intrigue par rapport à un dénivelé. Et en fait, tous les deux, sans savoir que vous allez au même endroit, vous retrouvez à un moment donné sur un petit monticule de terre. Et en venant un peu gratter le sol comme ça avec le pied, vite fait enlever un peu d'herbe, machin, eh bien vous dévoilez une pierre, mais c'est pas genre un caillou. c'est une pierre de taille, une pierre taillée, qui aurait un petit peu un arrondi sur le dessus, qui vous laisserait penser peut-être à une pierre de voûte. Donc on peut la déplacer ? Bah, pas forcément la déplacer, mais vous dites que si on creusait un petit peu plus, peut-être que ça dévoilerait quelque chose. Ouais, creuser, c'est chaud. Ouais, si t'enlèves la pierre de voûte, de toute façon, tout s'effondre. C'est le truc. Oui, c'est pas faux. Et on s'arrêtera là ça pour ce très soir. Grave. Le plan de la prochaine fois, on va faire tout péter à l'explosif. Ah, on va incendier la maison. Attendez, générique de fin. Vous avez vu que j'ai même pas mis le générique du début. Putain. Ouais, je non, attention, hein, il faut bipper. Hein. Excusez-moi. Démonétisé. Non, mais bon, générique de fin quand même. On va quand même mettre le générique déjà. Allez. Putain, c'est vrai qu'il n'y a pas eu de générique au début, ça m'a pas... Jamais pu et réparer. Voilà, nous voilà de retour. Voilà pour mon premier fail de l'année, ne pas avoir mis l'intro. Alors, j'aurais à te dire une petite anecdote qui m'a fait beaucoup rire, c'est qu'au tout début, tu as dit que c'était le professeur Smith qui a détruit Mehmet, mais c'est pas le professeur Smith, c'était l'autre. C'est l'autre professeur qui l'a tué, pas le professeur Smith. Non, j'ai dit worse. Worse, oui, worse, mais pardon, c'est le professeur, c'est le professeur de Maxime qui l'a tué, le type. C'est pas moi. Oui. Hein, c'est pour ça que j'ai tiqué. C'est Paulette qui l'a tué. C'est Paulette, bah bien c'est sûr, Paulette. C'est Paulette. Oh merde. Mais en plus, j'ai fait que des. Il a même fait des jets de ouf. Je me rappelle, mais. Du coup, j'étais persuadé qu'on allait tous mourir. En plus, c'est ce qui m'a fait rire, tu vois. Je voulais intervenir et me dire, putain, je vais intervenir, mais ça t'aurait mis en ridicule parce que du coup, c'est quand même un peu triste. Oui, bah oui. C'est mon deuxième fail de la. Après, de toute façon, on peut dire que professeur. Oui, après, il a pu venir et parler. Mais après, je suis d'accord, c'est moi. En plus, j'ai fait que des jets incroyables. De ouf. C'était le jour où Fantasy Grand a dit j'en ai marre, tu m'engueules à chaque fois. Donc vas-y, je te fais des. Bon, là, il était un peu timide avec vous, là, Fantasy Grand, alors qu'avec moi. Moi, ouais, j'aime bien. Moi, hein. J'ai réussi aucun jet. Voilà. On va mettre un truc plus joyeux quand même. Ah oui, moi j'ai fermé le Watch Together, hein, je vous aime. Franchement, ça va être tranquille. Franchement, ça m'avait manqué, les parties. Ouais, c'était cool. Mais voilà, c'est la reprise, c'est pas. Oui. Là, faut tout remettre bien comme il faut. Non, c'est normal, mais la reprise pour tous, hein, même dans notre groupe à nous, les deux premières sessions de reprise, elles ont été. J'ai un peu l'impression de trop intervenir. Ça va. C'est contextuel, tu vois. T'étais pas mal le chef d'équipe là, sur le coup, ce soir. Ouais. Mais je me suis pris pour professeur Wars à chaque fois. Ferme ta gueule ou c'est tout le monde qui prend la gueule. Alors moi, je me tais un peu. Mais c'est vrai qu'on n'a pas vraiment d'intellectuel en fait. Moi, je suis juste intelligent, point. Hein. Et moi, j'ai beaucoup de connaissances dans l'art, dans le. Ce qui pour l'instant est utile. Bah après, vous passerez pas votre vie non plus dans les bibliothèques, hein, rassurez-vous. Ça n'est pas forcément. C'est l'appel de Cthulhu dans la bibliothèque. Même si c'est vrai que ce sont des jets, que ce soit bibliothèque, toc, écoutez, des jets qu'on voit régulièrement, enfin très très souvent. C'est Cthulhu. Petite question pour Maxime, juste désolé de t'interrompre. C'est toi qui as testé la nouvelle édition du coup de Cthulhu? Celle qui vient de sortir. Oui. Alors mais moi je suis pas fan du tout de la boîte d'édition. pour plein de raisons différentes. Après, j'ai pas fait encore les 5 minutes dedans, parce que en fait, le reste m'a déjà un peu fait chier. Mais, On parle bien de Cthulhu, pas de Chronique oubliée Cthulhu. Oui, de l'appel de Cthulhu, la nouvelle édition par Edge. Après, Chronique oubliée Cthulhu, le problème que j'ai eu avec. Excusez-moi, j'ai un chien qui est très actif. J'ai passé 2 heures à arrêter de me lever pour essayer de la faire rentrer. Parce qu'elle est un peu rebelle. Hein. Mais, du coup, oui, Cthulhu. C'est en fait, le problème que j'ai, c'est que déjà, t'as marqué boîte de base, mais en fait, c'est une boîte d'initiation. Parce que, du coup, c'est du vol. Oui. Oui, du coup, je disais, c'est... oui, du coup, en fait, c'est pas du tout la même chose. Enfin, une boîte d'initiation et une boîte de base, c'est pas la même chose. C'est-à-dire que c'est des termes qui existent dans le jeu de rôle et qui veulent dire des choses. Et que, bah, du coup, si je fais en sorte que... Oui. Moi, j'avais celle-là. Donc, la ouais, chronique, ça, c'est qu'on est ouais. Mais c'est bien initiation au jeu d'aventure, tu vois. C'est encore... Ouais. Mais bah encore ça passe que enfin c'est l'idée de ouais. On va te faire découvrir après tu vois genre que tu dises pas le terme jeu de rôle tout ça au début pourquoi pas mais c'est vrai que j'étais vachement gêné par ça par le fait que j'ai acheté une boîte de base sans me renseigner forcément avant je pensais avoir une boîte de base je me suis retrouvé avec une boîte d'initiation ce qui n'est pas du tout la même chose hein, parce que je fais pas du tout la même chose avec et le truc c'est bah tu pensais avoir un livre de base avec oui c'est ça je m'attendais en fait à la base enfin voilà un livre de base la base une boîte de base quoi et pas du tout c'est une boîte d'initiation. Et après, honnêtement, l'appel de Cthulhu de Edge, qui vient de sortir bah, leur boîte d'initiation, qu'ils ont appelée boîte de base. Et en fait, dans cette boîte-là, il y a. Bah, en fait, les textes pour introduire le jeu de rôle sont pas très intéressants. C'est-à-dire qu'à l'ère où il y a 15 milliards de vidéos sur YouTube qui te disent c'est quoi le jeu de rôle, leur texte à côté est vraiment nul et c'est vraiment dommage. Enfin, je trouve en fait ils ont vraiment un problème didactique avec leur idée de faire transmettre ce que c'est le jeu de rôle. Bonne nuit à qui Bonne nuit à Kinami. Et vraiment, le truc qui m'a le plus gêné, c'est que ça te parle de victoire, de défaite, des trucs comme ça. Et enfin, c'est quand même très bizarre, tu vois, genre cette version de dire, voilà, le jeu de rôle, pour gagner, il faut réussir le scénario. Mais en fait, pas du tout. Enfin, tu peux rater un scénario et considérer que t'as quand même... Il n'y a pas vraiment de victoire-défaite, tu vois. On n'est pas dans un truc de jeu de société où il y a un gagnant à la fin, tu peux mettre un classement, etc. On n'est pas dans ce genre de logique. Et eux, ils te présentent ça quand même. Et je sais pas, ça m'a vachement gêné. Ouais. Okay. Et niveau règles, bah en fait, bah c'est les règles, c'est les mêmes. Hein. C'est toujours la version, donc il y a rien à dire. La version n'est pas spécialement allégée. C'est juste ils ont mis vraiment la base pour jouer, parce que bah c'est une boîte d'initiation. Et après c'est que du scénario. En fait, finalement, il y a pas grand chose. La boîte coûte pas si cher que ça. C'est dans les prix des boîtes d'initiation. Et moi, mon plus gros coup de gueule, c'est surtout sur le nom, parce que bah quand t'appelles ton truc boîte de base dans un milieu où base et initiation sont deux choses bien différentes qu'on a établies, bah, tu t'attends à voir... Bah, c'est pas un défaut d'édition ? Je crois que c'est même marqué en anglais. Hein. Ah oui, non mais c'est... Basic Box, un truc comme ça, enfin... La boîte d'idées. Ouais. Basse, quoi. Mais bon, ok. Ouais. Bah, très bien, après, je comptais me l'acheter, mais... Bah, après, les scénarios ont eux-mêmes pas l'air intéressants, mais ouais, on est j'ai déjà celui-là, donc je vais pas me faire chier. Oui, voilà, franchement, là, t'as pas beaucoup d'intérêt. Moi, j'attends le vrai livre de base malgré tout, mais en fait, je suis passé de. J'ai quand même très hâte de voir la version Edge à. Bah, si c'est de la même qualité, ça va être bien triste, quoi. J'ai une question, OMJ. Oui. Est-ce que tu as la campagne des masques de Nyarlathotep? Oui. Est-ce que tu comptes la faire? On a déjà le Orient Express. Non, je te pose juste la question. Non, tu comptes pas la faire? Non. Donc je peux regarder non. Les vidéos YouTube qui traînent là-dessus? Ouais, parce que après je compte d'abord déjà finir celle-là, ce sera déjà quelque chose. De... bah 2023, je l'ai dit. Voilà. Mais une fois que celle-là, si j'ai réussi à la finir, je pense que j'enchaînerai avec par-delà les montagnes hallucinées. Oh, enchaîné déjà. J'ai lu la nouvelle. On pourrait faire un trou entre les deux. Ouais, genre de un an, ouais, c'est bien. Enchaîné. Ouais, enfin, là, tu passes du vieux continent au nouveau continent. Enfin, tu vois. Par exemple, j'ai le rejeton d'Azathoth, c'est beaucoup plus court. Tu vois, on peut faire ça. Tu vois. Non, c'est. Déjà, on va voir dans quel état on est à la fin de Terrasse Express. Je vais pas te mentir, Gossed, je vais pas te mentir. Moi, j'ai lancé ma campagne de L5K un peu avant la tienne. Et comme ça a duré un an, je peux t'assurer que moi, ça m'a un peu dégoûté de refaire du L5K. Hein. C'est. Enfin, au bout d'un moment, t'en manges un peu trop, je trouve. Mais après. Moi, je suis pas venu. J'ai une petite réflexion de Red Army Fighter qui me dit. Petite réflexion par rapport aux réussites des scénars. Selon la complexité de ces derniers, on ne peut des fois pas vraiment les réussir ou les louper. On ne peut vraiment les finir que de façon différente. Ah, c'est par rapport à ce que disait... Oui. Mais ce à quoi je suis d'accord, et c'est pour ça que j'aime pas les textes de qui te présentent le jeu de rôle. Je trouve que c'est une très mauvaise initiation. Et même si je les critique beaucoup, les vidéos, qu'est-ce que c'est que le jeu de rôle, finalement, la moitié sont beaucoup plus intéressantes que ces textes-là que tu payes 35€. Quoi. Uh-huh. Ouais. Après, moi, je me demandais, pour Chronique oubliée que tout. Ouais. Est-ce que c'est vraiment intéressant ou pas du tout? J'ai fait une vidéo là-dessus. D'accord. Voilà. Je te montre tout ce qu'il y a avec les scénarios et je te montre. Non, mais je veux dire, le système. Parce que moi, j'aime beaucoup le système de Chronique oubliée. C'est un truc que... Regarde ma vidéo. Je trouve que c'est très abordable et tu peux. En vrai. Vas-y, franchement. Partage ta chaîne parce que je savais même pas que tu faisais des vidéos. Bon, il y a longtemps, mais. J'ai pas fait. Si, attends, t'as fait il y a pas longtemps pour. Il y a longtemps. L5R. Pas longtemps qu'il a une chaîne. Ah, c'était il y a longtemps. Alors là, c'était il y a quand même plus d'un an. Où t'as fait la présentation complète et tout ça? Ouais. Je me suis maté il y a pas longtemps, moi, ça. Hein. Bah, tu regardes, c'était en décembre 2018. Ouais, parce que il a failli apparaître en fond d'une vidéo que j'ai tournée, et la dernière fois que j'ai tourné une vidéo, c'était il y a longtemps. Donc, il y a un an. Le 12 décembre 2018. Oui, il y a un problème de son, quand même. Ouais, je sais plus. Bah, ça s'appelle le hurleur du micro. Non, justement, pour moi, c'est super bas. Ouais, parce que j'ai vraiment une voix qui porte pas non plus. Une vidéo qui parle d'une autre vidéo. Ouais, c'est fou, hein. Mais ça parle de Cthulhu. Mais oui. Moi, j'aime bien le truc qu'ils avaient fait, du coup, Chronique oubliée, et ça m'a plu, et j'en demande. Voilà. Ouais, et pour revenir à ta partie, Gossed, petite réflexion que je me suis... C'est quand même quelque chose qui est intéressant à dire. Alors, c'était pas très ouf, franchement. Est-ce qu'on change de campagne? Ouais, on change de campagne. Moi, je propose qu'on fasse Donjons et Dragons. On change le MJ de tout. Ok, bon, je m'en vais, salut les gars. Mais hey, sans vouloir faire le lèche-boule, hein, t'es un bon MJ. Hein. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Voilà, maintenant c'est boule brille. Mais après, ça dépend énormément. En fait, moi, je me suis rendu compte qu'une partie, elle est bien. Il y a plusieurs éléments qui rentrent en compte. Déjà, il y a surtout le MJ, les joueurs et le jeu. Mais il y a aussi, par exemple, si t'es bien installé, si t'es de bonne humeur, tu vois, ça prend en compte. Si on aurait joué toutes les semaines, j'ai envie de dire, le mercredi entre 18 et minuit, je t'avouerais que ce serait un peu plus dur, tu vois. Mais bon. Là, comme c'est une semaine sur deux, on se pose, je trouve que c'est sympa. Attends. Bah, c'est vrai? Non, parce que j'ai Red Army qui dit Peter, pompeur d'XP depuis 1849. Il était pas né en 1849. Si, si, si. Je te ferais dire. Triple bras. Moi, on m'appelle Dorian Gray, américain. Oh, putain. En fait, non, c'est un Highlander. Après, la remise en route est pas toujours simple. Tu dois tout. Tout rappeler ce qui s'est fait avant. Après, j'ai quand même repotassé tout ça. Mais c'est vrai que remettre la machine en route, ça fait. Ça fait combien de temps qu'on n'a pas joué, hein? 3-4 semaines. 3 semaines. 3 semaines. Ça va. C'est... Ouais, puis après, j'ai voulu tester plein de trucs. Genre, tu vois, j'ai changé le layout. La pause de l'été était plus longue, hein, jusqu'à oui, ça. Oui, ah, mais non. La pause de l'été, c'est toujours plus long. C'est toujours plus long. Mais, oui, mais voilà. La machine a bien marché après, tu vois. Bon, après, je voulais tester un layout. Mais à la base, j'ai fait ça en urgence. Parce que vous m'avez dit, ah non, mais on a qu'à jouer là-dessus direct. Alors que c'était pas prévu. Moi, c'était juste le layout quand on parle. Et qu'après, on balance sur le Fantasy Ground. Mais voilà, on m'a fortement conseillé de faire. Mais d'ailleurs, tu sais, ton fond vert, t'avais rien mis derrière, d'ailleurs. Ouais. Mais là, parce que j'ai pas. En fait, j'ai fait des trucs qui n'étaient pas prévus. J'avais pas prévu de faire ça. Et du coup, bah, j'ai oublié de mettre ma chroma key pour le fond vert. Et j'ai oublié même de mettre l'image qui va en fond. Pour et oui. Bon, après, ça, c'est un détail. C'est pas bien grave. C'est un détail. J'ai même pas fait attention. Tu vois. Une fois que tu mets une vidéo en fond, moi, genre un truc stylé. Mais tu sais, tu mets les anciennes vidéos de la petite pause du DR. Non. Tu vas avoir mal aux yeux après. Mais non, après, voilà, j'ai fait ça en vite fait. En plus, je suis malade. Mes gamines, elles tournent là. Ma femme, elle s'est fait une entorse à la cheville. Du coup, faut que je suis un peu partout nulle part, tu vois. Je fais la bouffe, je lave ici, je fais la... Donc, c'était un petit peu... T'es au four et au bain, quoi. C'était un peu la... Enfin, le bordel hein, bon, aujourd'hui. Mais je suis content, ça s'est bien passé. Enfin, du moins, pour ma part, ça s'est très bien passé. J'ai fait à peu près ce que je pensais pouvoir faire dans les temps qu'on avait. Bon, après, on a eu un petit peu de retard du fait que j'ai fait un peu plus de. Enfin, j'ai fait des trucs que j'aurais pas dû faire là. Mais non, franchement, je suis content. Enfin, voilà, c'est cool. Puis, pour moi, c'est vraiment le début de la campagne. Pour moi, je pense que la campagne commence ici. C'est là où vous êtes vraiment dans le... On a passé une année sabbatique, quoi, avant. Hein, c'est ça, on vient de faire une un an de jeu de rôle, 13 sessions, pour qu'on nous dise, non, mais ça comptait pas. Et on a 10 viewers, et je pense qu'on peut s'applaudir. La moitié, c'est des bots. 10 viewers, 3 sur YouTube, dont sûrement 3 nous. Moi j'y suis pas. Donc... Moi je suis que sur non, non plus j'y suis pas. Okay, attends, non mais y'a pas que des bots. Non, y'a 80% de bots, allez. Non, attends. Non, quel mauvais souhait. Vraie question, pourquoi y'a des bots sur Twitch Tu sais, c'est pour les couleurs. Enfin, tu sais, pour faire répertorier ta vidéo quelque part sur un truc de bots, etc. Ouais, y'a All Shad qui n'est pas un viewer, je le sais. Je vais jouer avec lui samedi prochain d'ailleurs. À quoi En fait, je vais intégrer la petite communauté de la SGU, donc les Salgos Univers, donc qui est sur la chaîne Twitch et YouTube de Akiel, que je vous conseille d'aller faire un tour d'ailleurs, très très sympa. Passe le lien dans le Twitch. Je vais le faire tout de suite, tiens. Hop. Ça, t'es profité C'est vrai. Je manque à mon devoir. Bah, ou quelqu'un peut le faire pour moi, ça m'évite de chercher. Est-ce qu'on a le droit, nous Non, non, on n'a pas le droit. Ah bon, je suis modo. Non, on n'a pas le droit, donc voilà. Time out. Il peut. Maxime. Maxime, on t'appelle. C'est moi. D'ailleurs, je crois qu'Akiel, elle est en live en ce moment même. D'ailleurs. Ah ouais. Ouais. Ouais, non, tu peux faire un raid dessus, comme ça, voilà. Ça fait une bonne fin de stream. Ouais. Tu peux lui ramener 10 personnes. Mais à notre niveau, de toute façon, on fera pas mieux. Hein. Oui, c'est sûr, c'est vrai. Tu vas pas faire un raid de 200 personnes. Alors, ça, c'est. Ouais. Ça, c'est la chaîne Twitch de Akiel. Peut-être un jour, mais pas aujourd'hui, quoi. Faut aller lâcher un petit follow. Allez, fais un raid, je sais pas du tout comment ça marche. Je vais prendre un raid à qui elle. Ça marche comme ça. Slash raid, le nom du truc. Ah, attends. Hop, coller. Et là, c'est la chaîne YouTube. Bon, là, vous avez tout. La chaîne Twitch et la chaîne YouTube. Alors, maintenant, faire un raid. Lancer un raid sur une chaîne. Il est très joli, Lord Layout. Alors, sa chaîne, c'est... Je pas ce jeu de rôle. Je sais pas quoi il joue. Les contes de Green. Ah, c'est trop cool. Lancez le raid. Alors, on lance le raid, c'est parti. Allez, on lance le raid. 3 raids. Allez, le raid sur Akiel. Merci à vous, hein, tous les gens d'être venus. Merci, c'était vraiment sympa. Alors, normalement, si vous êtes tous là, on fait ça dans 2 semaines. Le premier jour de février, le 1er ou le 2 février, je crois. Oui, c'est... Je regarde mon calendrier et effectivement, dans deux calendrier semaines, de Marseille. C'est le 1er février. Voilà, donc, la suite de nos aventures. Le oui, tu commences à avoir mal aux mains. Mais Gossette, qu'est-ce qu'il y a le 25 janvier? Alors, le 25 c'est janvier. C'est un mois près. Bah, le 25 janvier, il n'y a rien. Non, rien. je pensais qu'il y avait un truc toutes les semaines. Le 25 janvier. Il y a le plan chinois le 25 janvier. Voilà, non, ce je suis désolé, j'ai arrêté de faire les ouais, bon, ouais. Le 25 janvier, je serai en stream sur la chaîne d'Akiel. Je serai un personnage. Voilà. Ah, voilà. Tu vois, et ben moi, le 8 février, je serai en stream sur la chaîne de Gilus. Ah, et ben voilà. Bon, voilà, comme ça, toutes les semaines, on est corporate. Une petite chaîne qui mérite d'aller faire un tour dessus. Tout à fait. je crois que je follow même pas sur Twitch. Du coup, je lance le raid avant qu'il n'y en ait plus personne dedans. Exactement. Allez, bisous les gens. Salut. Bisous, ciao. Alors, je sais pas combien de temps ça met. 8, 7, 6 en direct. 5, 4, 3, 2, 1. Raid. Lancez un raid maintenant. Allez, j'attends la... moi j'attends l'annonce sur le chat. Ça y est. Le raid est lancé. Je crois. C'est lancé. Je vous en s'arrête avec un groupe de 8. Merde. On a trop parlé sur la fin. Le groupe de 8. Bon, allez, c'est parti.